Et bonjour tout le monde, il est 21h, du moins dans notre réalité, dans notre monde. Mais il est peut-être 1h du matin, 2h du matin, et peut-être 72h de l'après-midi, dans un autre univers, dans un autre monde, dans une autre réalité. Peut-être que Hitler n'est jamais né. Peut-être que Hitler n'est jamais né. Peut-être que Hitler a été tué à la naissance. Ce serait terrible. Peut-être que Hitler était un hippie. Peut-être que Hitler était en vérité un Espagnol. Peut-être que cette émission n'a jamais existé. Peut-être que ce n'est pas nous qui la présentons. Peut-être que c'est une émission qui traite de choses sérieuses. Tout dépend de la réalité où nous sommes. Mais recentrons-nous sur le débat. Voulez-vous? Oui. Car dans cette réalité, je suis Puck. Et il est Venom, tout du moins, je pense. Je suis pas sûr. J'ai des doutes des fois en vrai. Laissons planer le doute, alors nous dirons que nous sommes peut-être Puck et peut-être Venom, et que nous sommes peut-être les Yule Rockeders, et que vous êtes peut-être en train de nous écouter. Si on pouvait retirer le peut-être d'ailleurs de cette dernière affirmation, ce serait plutôt pas mal. Ça serait même plutôt bien. Alors techniquement, si tu dis ça, c'est qu'ils sont en train de nous écouter. Après, on peut dire ça pour personne. On peut dire ça en mode, ouais, on le dit, mais il n'y a personne qui l'écoute. C'est qu'on a la La volonté magie d'être du entendu. podcast. C'est ça qui est incroyable. C'est que peut-être que aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais aujourd'hui d'aujourd'hui, de votre aujourd'hui, et non pas d'une autre, Mais vous d'une vôtre, mais pas écoutez. d'une autre. C'est ça. Mais peut-être que le demain, alors le demain du demain, pas de notre demain, mais de votre demain, et peut-être de l'après-demain, de votre après-demain, du demain, de l'après-demain, Ah, j'ai mal au crâne, mec. peut-être que vous nous écoutez. C'est la magie de Mixcloud. C'est la magie du Mixcloud, c'est la magie d'Internet, c'est la magie des Yolo Recorder. Exactement. Et tout ça, pour vous dire de quoi allons-nous parler. Et si je vous dis, Ah, blou, blou, blou, blou, blou. voilà, à blou, blou, blou, blou, blou, vous pensez à quoi? Moi, je pense déjà à quelqu'un qui est très con puisqu'il ne sait pas nager. Oui. Bon, alors deuxième indice dans ce cas-là. Si je vous dis clé à molette, vous pensez à quoi? One Punch Man! Ah merde, non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Troisième indice. Si je vous dis Elisabeth, jeune fille enfant, vous pensez à quoi? Un porno! Merde, non, c'est toujours pas ça. Quatrième indice. Non, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Si je vous dis quelque chose qui peut vous choquer tout en étant très bio, vous pensez à quoi? Et ne répondez pas OGM ou comment il s'appelle machin truc moustache là. Truc moustache. J'ai plus son nom. Attends, non, là j'ai du mal à voir de qui tu parles. Celui qui a brûlé tous les McDo dans la race campagne. Ah Noël ma oui. mère. Noël ma mère, ouais. Ouais. Voilà. Non, je ne parle pas de ça. Parce que non, si j'aurais dit. Quoique, si je dis Noël ma mère, vous pensez à. Biochoc. Oh, magnifique! Pardon. C'est ce qu'on appelle en psychologie la belle histoire. Hein. Un événement fait penser à une chose, fait penser à une chose qui finira par nous ramener à un élément central totalement déviant de l'élément de départ. Et J'ai cette rien phrase compris, mais je suis totalement n'a d'accord. aucun sens, bien entendu. Et oui, nous allons parler de BioShock 1 et de BioShock Infinite. Bah, Et de pourquoi? Biochoc. De De Biochoc tout BioShock. court. De BioShock. De Biochoc tout court. Parce que bien entendu, le monde entier sait que les seuls Biochocs qui existent sont Biochoc et Biochoc Infinite. Voilà, qui est la BioShock Infinite, qui est une suite par différents éléments, ou du moins, voilà, elle fait partie du même Plus univers, ou moins. plus ou moins. Plus... Enfin, elle fait partie du même univers, oui. Normalement, oui. Parce que si vous avez regardé, mettons, Chroma de notre monsieur Karim Debbache. Cher Karim Debbache, vous apprendrez que c'est pas parce qu'il y a un 2 à côté que c'est forcément une suite. Exactement. Là, je suis totalement d'accord. J'ai rien de plus à dire en vrai. Je. Voilà, je savais bien que que toutes ces heures passées sur les chiottes à regarder les vidéos de Karim Debbache me servir un jour. Car j'avais beaucoup de retard à rattraper, ce qui fait beaucoup d'heures. Mais je Cet ne les homme me regrette absolument fatigue. pas. Si vous saviez à quel point cet Mais homme me non, mais je fatigue. ne le regrette absolument pas. Je recommande à tout le monde, bien sûr, de rester des heures dans les chiottes et de regarder les vidéos de Karim Debbache qui sont énormissimes. Voilà. Effectivement, je suis totalement d'accord. Qui sont énormissimes et qui sont, en plus d'être énormes, extrêmement intéressantes. Ce qui revient au même. Oui, au final, c'est oui, c'est oui. Mais c'est parce que c'est pour utiliser un lexite, un lexique. Un lexique disparate. Compliqué d'utiliser non, des mots compliqués. T'arrêtes de te la péter avec tes mots ah, compliqués, je là. Sais, je sais. Non, mais je sais. Là, aujourd'hui, je... Tu me fatigues. Aujourd'hui, j'ai sorti le Becherel. Aujourd'hui, j'ai sorti aujourd'hui, le Pierre Mélèze. Aujourd'hui, tu as sorti le Becherel. Oui. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on écrit oignon? Pardon. Oh, oignon, eh bien, on ne l'écrit pas. On ne l'épluche. Wow. Voilà, oh. Je suis voilà. Désolé, à applaudir avec un stylet de Nintendo 3DS dans les mains, c'est très difficile. Mais j'applaudis la blague parce que là, c'est très très beau. Mais oui, du coup, aujourd'hui, on va parler de BioShock. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé hors antenne, nous. Donc, absolument pas. Il me semble mon petit Puck fiston d'amour, que tu les as fait, toi. Oui. Alors, je vais être honnête avec vous, le seul que j'ai réellement fini, c'est l'Infinite. Soit le dernier. J'ai avancé, bien sûr, dans le premier, mais malheureusement, je ne l'ai pas fini. Et après, j'ai perdu du temps sur un autre jeu. Mais voilà. Call of Duty, bien entendu. Oui. Enfin, grosso merdo. Voilà, grosso merdo. Donc, je peut-être... Je sais pas. En vrai, d'un côté, j'ai envie de commencer et d'en parler. D'un côté, j'ai envie de te laisser commencer et en parler. C'est assez terrible. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse, mon fils? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Bah, au pire, je commence et si c'est pas bon, tu reprends. Très bien, ça me va. Donc, pour commencer, on peut résumer ce que c'est BioShock. BioShock, c'est un FPS déjà pour commencer. Voilà, c'est un FPS développé par, et maintenant il faut que je retrouve, 2K. 2K Australia, oui. De 2K Australia. Australie, qui est une énorme boîte, enfin, faut être honnête, c'est assez gros. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut quand même donner le nom de la personne, le papa de BioShock. Ah, tu m'en as parlé souvent, mais tu sais, moi et les prénoms, c'est pas trop si ça. Je veux pas dire de bêtises, donc du coup, je suis en train de chercher en même temps. Et vous, qui êtes chez vous, vous pouvez, pendant ces moments de bricolage, vous amuser à chercher en même temps que nous. C'est effectivement ce que je pensais, c'est Ken Levine. À ne pas confondre avec Adam Levine. Parce que Adam Levine est le chanteur de Maroon 5. Voilà, et commencez Levine pas. Et le papa de BioShock. Alors, voilà, c'est pas vraiment la même chose. Vous attendez pas à entendre du Maroon 5 en jouant au jeu. Hein. Ça serait bien. Mais je suis en train de penser avec la rythmique du groupe, sa musicalité, sa symphonie et ses paroles que je ne vois absolument aucun endroit dans aucun jeu où foutre ce genre de musique. Si ce n'est peut-être dans les gares. Oui, quand c'est même. Vrai. Voilà, dans les gares, dans les magasins, ou peut-être au tout début, hein, dans la fête foraine, parce qu'après tout, dans une fête foraine, on s'en branle un peu de la musique qui passe, donc... Bon, du coup, voilà. Ou alors, pour la blague, dans une cassette qu'on peut trouver. Oui. Pour la blague. Ça pourrait faire bizarre, mais ça pourrait être drôle. Pour la méga blague. Mais donc Levine, qui a pondu ces petites merveilles, et alors si je ne dis pas de bêtises, grosse inspiration steampunk. Grosse inspiration. Alors steampunk, en fait, je sais pas si on pourrait dire steampunk en fait. Bah, c'est pour ça que je dis inspiration parce qu'il y a des éléments. Ouais, c'est ça. Qui font penser de par l'espèce de contraste entre l'époque générale où on a l'impression que ça se passe et pourtant les créations qu'on va pouvoir trouver et les éléments technologiques qu'on peut trouver. Et certains points visuels qui font penser à du steampunk. Après, c'est vrai que c'est un univers à inspiration steampunk, mais pourtant propre à lui-même. Effectivement, oui. Ça veut dire que voilà, on peut pas dire BioShock c'est du steampunk. Non, ça s'inspire du steampunk. Et il y a mon chat qui vient me casser les couilles. Et casse-toi de là. Ça va, je viens pas de te casser les couilles. Non, non, heureusement. Si t'avais sauté ça, dessus pour voilà. Bah, sinon, ça aurait fait une transition un peu comme ça. Alors, BioShock, ce n'est pas du steampunk, c'est une inspiration steampunk. Non, et du coup, non, c'est un univers qui. Je souffre en ce moment. Je souffre fort. Et c'est un univers qui lui est propre et c'est même deux univers puisque deux univers je dirais de filtre. J'explique. C'est comme au cinéma le filtre. Si tu prends les experts mettons. Les filtres si t'appliques un filtre jaune, tu te retrouves au Mexique, exactement. Qu'est-ce que ça. Tu veux dire de... Non, mais si dans les experts, par exemple, il y a différents types d'experts et chacun ont un filtre caméra, un filtre de. Là, je vois, ouais. Voilà, un filtre comme ce que je disais, de. En fait, le filtre jaune qui monte le Mexique. Je disais ça en tant que blague, mais il faut savoir que c'est réellement ce qu'ils font pour filmer le Mexique. Ils appliquent un filtre jaune. Ce qui donne une espèce de couleur, vous savez, jaunasse, qui fait très désert. Et c'est comme ça qu'on a la représentation visuelle du Mexique. À travers un filtre jaune. À travers un filtre jaune. Et voilà, qu'on a aussi nous apprend des choses. Et qu'on a aussi, du coup, la vision de Miami, à travers un filtre jaune. Oui. Puisque les experts Miami utilisent un filtre jaune, les experts Las Vegas utilisent un filtre bleu-vert. Bleu-vert, et les experts Manhattan utilisent, eux, un filtre marron-gris. Puisque c'est pour ça que c'est de la merde. C'est pour ça que c'est de la merde, c'est pour ça que ceux qui aiment les experts Las Vegas, apprécient les experts Miami malgré le jeu d'acteurs décevant de la plupart des acteurs, et ne peuvent pas blairer les experts Manhattan malgré le fait qu'il y ait de très bons acteurs, je trouve, parce que visuellement, on n'accroche pas, parce que visuellement, le filtre parce que est très pâteux. C'est de la merde. Parce que visuellement c'est de la merde, parce que c'est des experts qui se veulent beaucoup plus sombres, et on a plus l'impression de regarder New York Unité Judiciaire que les experts au final, et c'est un peu dommage. Malgré le fait que New York Unité Judiciaire est de très bons acteurs, mais un filtre dégueulasse, et oui. Une trame scénaristique ultra molle. Voilà. T'habites. Voilà, non mais c'est l'équivalent du Derrick Désespère, New York Unité Judiciaire. Ouais. Et il en est de même du coup pour les BioShock, c'est-à-dire qu'on a un filtre qui va être très sombre, on a un jeu qui va être très très sombre au niveau du premier BioShock, très claustrophobe comme jeu. On n'a pas vraiment d'espace ouvert, ça se passe sous l'eau, on est enfermé sous l'eau. Voilà, on n'a pas de lumière, tout est dégradé, tout est moche, tout est monstrueux. Et d'un côté, on va avoir BioShock Infinite qui, lui, est très aérien, très sans mauvais jeu de mots, très lumineux, très ouvert, très coloré. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on a deux filtres différents, et pourtant avec un même esprit, et pourtant qui sont intimement liés, et on pourra le voir plus tard. On va commencer à parler tout maintenant. Et c'est ce qui fait le charme de cette licence, c'est que on a deux jeux très très bons, mais avec deux filtres totalement différents. Oui. Bah, c'est une vision totalement, totalement différente, quasiment du même jeu au final. Oui. Parce qu'il faut être honnête, c'est quasiment le même jeu. Pas la même histoire. Bah, c'est pas la même histoire, mais c'est à quelques détails près. Et quand même, il y a des choses qui sont la même mécanique. Oui. Alors, encore une fois, à quelques détails près. Hein. Oui, c'est pas non plus du copier-coller, quoi. Voilà, non. Alors, on va peut-être commencer par parler justement de BioShock 1er du nom. Oui. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'histoire, le peu d'histoire qu'on a dans BioShock 1er du nom. On va pas spoiler, hein, mais. Non, parce qu'on ne spoil jamais en début d'émission. C'est toujours vers la fin, on vous préviendra quand il y aura du spoil. Oui, là il y aura du gros spoil. Enfin, il y aura au milieu et à la fin, parce que du coup on va parler d'abord de BioShock 1 et ensuite de Infinite. Oui, donc du coup il y aura comme la review spoil. Qu'on avait fait de Dark Souls. Hein. C'est ça, on va d'abord vous parler du premier. Il y aura un spoil avant la pause musique. Il y en aura un après la pause musique. C'est exactement ça. Voilà. Donc on vous préviendra, ne vous inquiétez pas. Si vous en avez rien à foutre, vous pouvez rester. Si ça vous fait chier, vous pouvez partir. Mais revenir après. attention. Mais revenez quand même parce que, voilà, c'est notre gagne-pain. On gagne à peu près tout ça d'argent. Oui, tout ça. C'est-à-dire que là, oula. Ouais, t'as vu. Bah, même moi, je sais plus où le foutre. Hein. Ah ben moi non plus. Et puis là, moi, ça serait indécent de parler de chiffres, hein, puisque on s'est toujours dit non, hein, Puck et Venom. Non, nous ne parlerons jamais de chiffres négatifs dans cette émission. C'est pas possible. C'est ça. Jamais en dessous du zéro. Ça porte malheur. Mais non, bon. Vas-y, je te laisse commencer sur BioShock. Alors, si tu veux commencer ou si tu préfères que je le fasse. Mais je me souviens du début. Hein, le début, il me semble que ça commence dans un avion qui se crache en pleine mer. C'est ça. Alors, je vais quand même. Je vais en parler du coup parce que c'est vrai qu'il y a des trucs que tu oublies un peu. Et des nuances. Il y a des nuances. Donc, ça se passe en 1960. Oui, j'avais pas la période exacte. Je savais que c'était dans ces années-là. Voilà, ça se passe en 1960. Et notre personnage, Jack, qu'on appellera aussi One Punch Man, vous comprendrez pourquoi, est dans un avion. Et donc, il regarde. C'est pas parce qu'il est cancéreux qu'il est chauve. Il faut quand même le préciser. Il est pas chauve, Jack. Non, mais c'est pour ça. Non, c'est qu'il pense pas qu'on l'appelle One Punch Man parce qu'il a une tête de cancéreux. Ah oui, ah non, du tout, mais je vous expliquerai. Je crois que même toi, Puck, tu sais pas pourquoi moi je l'appelle One Punch Man. Ah bah écoute, j'ai hâte de le découvrir. Tu as hâte de le découvrir. Donc, One Punch Man, aussi appelé Jack. Pour les intimes. Pour les intimes. C'est un mec totalement lambda qui est dans un avion parce que la bite. Et c'est pas un homme d'affaires à la base. Et on le sait pas en fait. D'après les éléments, parce que je crois qu'au début on a des éléments qui nous feraient comprendre qu'il était en classe affaires. On a des éléments qui nous feraient comprendre qu'il était en classe affaires. On en a aussi qui nous font comprendre que qu'il a une famille. Puisqu'on voit des photos de sa famille dans le truc. Il regarde des photos de sa famille. Puis d'un coup, bup, bup, bup, bup, ça se met à clignoter de partout. Et l'avion se crache dans l'eau. Et bien entendu, comme chaque bon jeu d'action, Jack est bien entendu le seul survivant. One Punch Man est le seul survivant. Ce qui est encore plus incroyable, nous le noterons, c'est que tout est en feu, sauf un petit tracé qui a été spécialement fait pour lui de la main de Dieu. Voilà, exactement, et qui le mène à un phare. Et donc il se dit, putain, c'est la bite. J'ai atterri en Bretagne, bordel. Je vais aller dans le putain de fer. Et il rentre dans ce phare. Et bon, les lumières s'allument toutes seules, etc. Ça descend. Alors il descend. Et il tombe devant une espèce de petite porte ouverte avec un petit levier. Et quand il appuie dessus, la porte se referme. Et il descend dans les profondeurs des abysses de l'eau, en fait, tout simplement. Oui, on peut penser à un océan. Bah, c'est un océan, puisque. Ça pourrait être une mer. Puisqu'il nageait dans l'océan juste quelques secondes avant. Donc, ouais, mais ça pourrait être une mer. Ça pourrait être. Voilà. C'est toi la mer. Ça pourrait être la Manche, ça pourrait être la mer Méditerranée. Donc voilà. Alors moi je vous spoil, c'est l'océan Atlantique. Voilà, on vous avait prévenu, mais on vous a menti. Voilà. Enfin, c'est pas dit dans le jeu en fait que c'est l'océan. Enfin, c'est pas dit, c'est pas un spoil. Mais c'est juste qu'on sait que c'est l'océan Atlantique. Quoi. C'est ce qui se trouve le plus proche des États-Unis, donc ça peut être que ça. Voilà, exactement. Et donc il est en train de descendre. Quand il y a justement une espèce de petite présentation qui se fait, qui lui raconte qu'il va aller à Rapture, une ville fondée par Andrew Ryan, j'ai utilisé le mot qu'ils utilisent sur Wikipédia pour en parler, c'est une ville qui est complètement utopique. C'est une ville qui a été construite sous la mer. Pour l'élite. Qui est la ville des artistes. C'est la ville des artistes, c'est là où tous les artistes sont censés être. C'est là où, si vous voulez être un artiste libre, et ben vous allez. Vous êtes complètement libre. Et alors qu'il arrive dans cette ville, il arrive, donc il, on arrive dans la bathysphère, parce que ça s'appelle une bathysphère, et on voit un homme se faire tuer devant nos yeux. La porte est même pas encore ouverte, on peut pas agir, on peut rien faire. Et la personne qui attaque l'homme qui l'a tué a un crochet à la place de la main, donc non, ce n'est pas le capitaine Crochet. Non, et c'est putain d'agile en plus, cette merde. Et il attaque notre bathysphère pour essayer de nous tuer. Sauf que la bathysphère, elle est pas trop d'accord. Hein, la bathysphère, elle est pas d'accord du tout. Et donc, elle va... comment ? Bah, ça va... Enfin, il va abandonner et la radio va nous contacter. Et va nous dire, bonjour, je m'appelle Atlas. Je suis un espèce de résistant. De la ville. La personne que vous avez dont vous avez entendu parler est Andrew Ryan, c'est ça. Vous allez en gros m'aider à le combattre. Mais avant ça, il faut que je parte de la ville avec ma famille. Il y a ma femme et mon fils qui sont coincés. Il faut que vous m'aidiez à les sortir de là. Et la digne corde sensible, famille. Et là, corde sensible, famille, et surtout beaucoup de... c'est quoi la phrase déjà ? Putain, j'ai un tout petit... Beaucoup de mystère, beaucoup de... J'ai un trou de mémoire. Et nous allons procéder à la méthode escalier. De quoi voulais-tu faire allusion ? La phrase qu'utilise Atlas, il y a toujours ces fins de phrase. En fin de phrase, il utilise toujours un mot. Enfin, qui n'est pas un mot, c'est... Roger, à vous. Non. Fin. Stop. Non, c'est un truc genre s'il vous plaît, en fait. S'il vous please. Non. Je vous en prie. Je vous prie. Je vous prie. C'est « je vous prie ». À chaque fois qu'il vous demande quelque chose, il finit en disant « je vous prie ». Allez tuer cette personne, je vous prie. Allez aider ma famille, je vous prie. Allez ouvrir cette porte, je vous prie. Allez ouvrir cette porte, je vous prie, etc., etc., etc. Et bon, on va quand même avancer un petit peu. On arrive donc dans la ville. Il nous présente un peu les « méchants », entre guillemets, qui sont des crozomes. Qui sont appelés en anglais les Splicers. Ça peut être assez important, mais en fait, non. ce sont des personnes qui ont fait une overdose, il me semble. C'est pas une overdose du. Enfin, qui ont mal réagi au. Non. Non, justement, je vais en parler. Et alors qu'on est en train de défaire ces chromosomes, on trouve une espèce de petite bouteille. Et forcément, dans ce genre de jeu, quand vous voyez une petite bouteille, qu'est-ce que vous faites ? Oh, on la boit. On la boit, on l'utilise. Et donc là, il la boit et il se retrouve injecté avec un plasmide. Voilà, c'est ça, je trouvais plus le mot, plasmide. Alors, un plasmide, qu'est-ce que c'est ? On va résumer ça très facilement, c'est de la magie. Faut être honnête, hein, c'est de la magie. C'est de la magie. En gros, c'est du mutagène. Voilà, c'est dans l'explication du jeu, c'est un mutagène qui fait que votre corps va pouvoir faire diverses actions assez violentes, hein, quand même. Ça vous transforme en semi-X-Men, en fait. Ouais, voilà, ça vous transforme en semi-X-Men. Et alors que vous prenez ce mutagène, vous tombez dans les pommes. Et s'approche de vous une petite sœur. Petite sœur, bien sûr. Pas votre petite sœur, mais c'est le nom du personnage, en fait, c'est les petites sœurs. Sont des espèces de petites filles, mais hideuses. Complètement, quasiment possédées, en vrai. Ouais, elles sont cheloues. Elles ressemblent un petit peu aux jumelles dans The Shining. Elles ressemblent un peu aux jumelles dans The Shining, exactement. Avec une robe blanche, des cheveux noirs un petit peu plaqués à la façon The Ring. Et un teint blafard et des yeux qui font la lumière comme un chat dans la nuit. Et elles sont accompagnées de leur protecteur. C'est le... merde, comment ça s'appelle ? Bah, c'est les protecteurs. Ça n'a pas un autre nom ? Non, ils sont appelés les grands frères aussi. Oui, voilà, je savais qu'il y Mais avait un c'est le truc. nom officieux, en fait. C'est D'accord. les fans qui ont décidé que petite sœur, grand frère. Oui, Mais en voilà. réalité, ils s'appellent les protecteurs. Lecteur. Pour faire simple. Pour faire simple. Et donc, du coup, bon, on a ce machin qui s'approche de nous et qui fait, t'as vu, grand frère, celui-là est encore vivant, on va le laisser. Donc là, on se dit, putain, cool, parce qu'elle s'approche avec une méga seringue. Mais c'est simple, la seringue, elle vous l'enfonce dans la bouche, elle ressort par le cul, hein. Ouais, c'est ça, c'est le genre de seringue que vous voyez au médecin. Si vous êtes un psychotique de la seringue et que vous n'aimez pas les piqûres, c'est à peu près ce que vous voyez quand le médecin s'approche. Voilà, c'est ça. C'est ce que Si vous votre avez esprit torturé vous fait voir. peur des piqûres, c'est exactement ce que vous voyez quand le médecin Voilà, s'approche sauf avec que une là, ce petite que vous seringue. voyez dans le jeu, c'est vraiment la seringue qu'il y a dans les mains. C'est pas une Voilà. déformation. C'est pour de vrai. Et du coup, on va avancer un peu et on va rencontrer le docteur Tenenbaum qui va nous supplier d'épargner les petites sœurs. C'est-à-dire qu'on a deux choix. Soit on peut enlever le parasite des petites sœurs, parce qu'en fait elles ont été infectées par un parasite. Soit on peut enlever ce parasite et du coup les sauver. Soit on peut les tuer et récupérer donc ce qu'on appelle, dans tous les cas on en récupère, mais on récupère du coup de l'Adam. L'Adam, c'est une sorte de monnaie que vous aurez qui permet d'acheter d'autres plasmides. Vous récupérez ce qu'on appelle de l'Adam. Si vous tuez la petite sœur, vous en gagnez beaucoup. Mais vous allez être plus ou moins détesté. Et par contre, si vous les sauvez, vous allez en gagner beaucoup moins. Mais tous les 4 ou 5 petites sœurs sauvées dans le jeu, le docteur Tenenbaum vous offrira un cadeau qui contient toujours 200 unités d'Adam. Ce qui fait en fait plus d'Adam que si vous les tuez tous, toutes. Donc du coup, c'est vachement plus rentable de les sauver. Parce que, hors le dilemme moral de je vais quand même pas tuer des gamines. Eh ben vous allez gagner plus d'Adam et donc pouvoir acheter plus de choses. Même si vous ne pourrez pas les acheter tout de suite, vous pourrez les acheter peut-être 10 minutes après. Ça dépend de comment vous le jouez. Mais il me semble aussi que le fait de sauver ou de tuer les petites sœurs, Non, chut, chut, chut, chut, chut, il me chut. semble. Non mais voilà, non mais Oui, c'est non pour mais expliquer oui, tu as que complètement raison, mais on va c'est juste pas. pour donner l'intérêt de ce choix. Parce que si on dit finalement tu gagnes plus en sauvant, tu dis mais pourquoi avoir placé un choix? Il n'y a pas d'intérêt au final. Mais voilà, mais ça donne un choix. Donc déjà, c'est un choix moral. Parce qu'il y a, y a des, y a des jeux, on a des choix comme ça, qui n'ont pas forcément d'incidence. Immédiat. Mais même immédiat, il y a des jeux comme ça, qui n'ont pas du tout d'incidence. Oui, ce que je veux dire, enfin, c'était pour préciser ton truc, ça n'a pas d'incidence immédiate. Ah oui, mais non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, tu disais, pourquoi avoir mis le choix, ça sert à rien. Non Il y a mais. des jeux, par exemple, moi, je vois Skyrim. Oui. À part le fait d'être détesté dans une ville, enfin par exemple, moi je m'amusais beaucoup à Sin Oblivion, je m'amusais à tuer des villages entiers. Mais entiers. Je tuais des centaines et des centaines de gardes, et au bout d'un moment j'en avais marre, alors je me laissais capturer. Les gardes me disaient, bon t'as le choix, soit tu payes une amende qui coûte 50 millions de trucs, soit tu te laisses aller en prison. Donc j'allais en prison, je passais quoi? Je passais 2 jours en prison, et au bout de 2 jours en prison, je ressortais en mode, voilà! Franchement, Et tu c'est peux pas si revenir dans le. grave. Et tu re... Non, mais tu reviens dans le village, et tout le monde est là, tout le monde est encore en vie, et plus personne t'en veut. Bah non, t'as fait de la prison. Tu Parce les que as t'as fait de la repentis. prison, tu es repenti. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, ça pour moi, par exemple, tu vois, c'est un exemple de choix. Parce que t'as le choix de les tuer ou de pas les tuer. C'est un exemple de choix qui, au final, a pas grand intérêt, puisque tu vas pas être détesté du monde entier parce que t'as massacré un village, quoi. Le village va pas être vide et tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. S'il y a toujours des PNJ et personne t'en veut. Je sais pas si le fait de tuer enfin de pouvoir tuer les PNJ, c'est un choix ou si c'est une possibilité. Bah ça reste un choix. Parce que c'est une possibilité mise. Parce que c'est une possibilité que tu as. Mais au final, tu prends le choix, toi, en tant que joueur, de dire, bon bah je vais les tuer. Oui. Après, voilà, c'est Oui, mais chiant, c'est c'est pas compliqué, on bas... enfin, ce s'emmerde. que je veux dire, c'est que c'est pas basé comme étant un choix dans le jeu. Ah non, non, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que dans des jeux, tu as des possibilités qui vont t'amener à faire un choix mais qui n'a pas d'impact, et tu as après juste les choix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois. Bah après, de toute façon, c'est compliqué ce genre de truc. C'est compliqué et c'est chiant. Voilà, Ils c'est sont ça. d'accord. C'est pour ça que quand des jeux vidéo arrivent à sortir des jeux avec ça qui est bien géré, c'est incroyable. Parce que c'est chiant. Voilà, et du coup, là, on a ce choix qui aura une incidence plus tard. On vous dit pas quoi, parce qu'on a dit qu'on vous spoilait pas. Tout de suite. Et voilà, C'est le c'est pas choix que je vous mal. ai offert. Et en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce jeu. Bah, de toute façon, je. Ah. Après, je dirais peut-être une connerie. Mais quand on parlera d'Infinity, je serais peut-être amené à y revenir. Parce que j'ai vu un truc. Et je serais peut-être amené à y revenir. Mais je pense que je vais dire une connerie. Mais c'est pas grave, on verra. Vas-y, vas-y, tu veux en parler plus tard de ta connerie ou tu veux la dire maintenant? Non, parce que c'est. Non, ça, c'est pas une connerie. Mais c'est peut-être. Je me trompe peut-être de jeu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais j'en parlerai parce que ça coïncide avec Infinite, en fait. Je pense que tu te trompes de jeu. Voilà, c'est ce que je me Je dis pense. aussi. Après, je sais pas, est-ce que ça a rapport avec les DLC de Infinite? Non, c'est un rapport avec Kikui. If you know what I mean. Ouais, et il me semble que non. Il me semble sincèrement que non. Il te semble que non? Il me semble que non. Parce que du coup, j'avais vu ça sur Internet et c'est vrai que la coïncidence. Enfin, le lien est pas mal. Enfin, Bah c'est après, effectivement. tu me raconteras ça, tu me raconteras Oui. ça et on verra, On verra, nous en on parlerons en off. en parlera. Non, pas forcément moi, ouais, tu me raconteras ça quand on arrivera, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur le début de BioShock. On va peut-être avancer. Donc on va peut-être avancer. Alors le jeu, c'est un FPS classique. Voilà, vous avez des armes, pistolet, mitrailleuse, lance-roquettes, tout ça, tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi, je vais enfin expliquer pourquoi One Punch Man. C'est Ah, parce que vous avez la possibilité dans le jeu d'utiliser la première arme que vous avez, c'est une arme de CAC, de corps à corps, c'est la clé anglaise. Et ça peut paraître con, mais moi ce qui m'éclatait dans ce jeu, c'était quand je voyais un ennemi, j'allais pas le tuer avec mes armes, en fait je prenais ma clé anglaise, et très souvent je faisais un saut et je donnais un coup. Et en fait, arrivé au bout d'un moment, on gagne quand même pas mal de plasmides. Et on peut prendre des plasmides qui augmentent notre puissance avec la clé anglaise. Et donc en fait j'étais devenu One Punch Man parce que au milieu du jeu, à partir du milieu du jeu jusqu'à la fin, je sautais, je donnais un coup de clé anglaise, il y avait l'ennemi qui volait à l'autre bout de la pièce. ça c'est du plasmide, les gars. Ça Et c'est du plasmide les mecs. ça, Là t'es surtout, là, tu fais ouais. c'est de la clé anglaise de qualité, ça. Et voilà, moi je trouvais ça très très fun parce que je montrais clairement qu'on n'a presque pas besoin des armes dans le jeu. On n'a pas besoin des armes, enfin, à part pour tuer les protecteurs. Oui, parce Puisque que ça, t'as pas ça c'est pas tellement un envie de leur faire un spoil, hein. bisou, hein. T'as pas tellement envie de leur faire un bisou. Et puis surtout, si tu les tapes, tu te manges une patate, mais moldave. Crois-moi, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Bah, Ils sont. il suffit de voir avec quoi ils tapent, hein. C'est une espèce de grosse foreuse, donc déjà, ils te mettent un Voilà, c'est une point. grosse foreuse, ils ont des lance-grenades, alors que toi au début t'as un petit pistolet. Donc crois-moi, tu fais pas le malin quand tu te retrouves face à ça. Et puis même les autres plasmides, hein, tu peux leur balancer du plasmide dans la gueule. Ils Alors tiennent ça le dépend coup, hein. lesquels. Ça dépend lesquels, parce que justement, il y a plusieurs plasmides. Alors je les connais pas tous par cœur, donc estimez pas ça comme une liste exhaustive. C'est pas une liste exhaustive, mais alors du tout. Mais. Il y a. Qu'est-ce qu'on a comme. Bah, il y a l'électricité, Il y a l'électricité qui est le tout premier qu'on reçoit. le feu, la télékinésie. Ouais, il y a. La Bah, du coup, glace. la glace, il y a aussi bah, du coup, le truc qui te fournit de la puissance Qui avec te la clé fournit de la anglaise. puissance. Oui, mais alors ça, c'est pas vraiment un. Ça, c'est des plasmides différents en fait. Ah, c'est des Ça, plasmides, c'est oui, des. non, parce que tu as des plasmides que tu peux mettre qui t'apportent des stats qui sont actifs tout le temps en Voilà, c'est fait. Enfin, ça. c'est des passifs en fait. Voilà, c'est les plasmides passifs en fait dont je parlais. Mais en actif, ouais, t'as feu, glace, électricité, télékinésie. Télékinésie. Il y a comment? Les trucs de caméra et de protecteur aussi. C'est-à-dire qu'on peut. Lui On pirater peut. les. Oui, c'est une sorte de truc de piratage. Oui et non. Parce qu'en fait, on va pas vraiment. Le truc, c'est qu'on va juste pas avoir par exemple, de protecteurs qui vont nous embêter. C'est-à-dire qu'on peut retourner les protecteurs vers nous. On peut faire genre, ouais, le protecteur, là, il est avec moi. Tu vois ? Ouais. Ça, c'est juste... c'est complètement con, mais voilà. Il y a quoi d'autre ? De toute façon, il me semble que les protecteurs, tant que tu ne touches pas à la petite sœur, tu peux marcher à côté sans qu'il se passe trop grand-chose. Hein. Non, c'est tant que tu n'attaques pas le protecteur, en fait. C'est, tu peux pas toucher la petite sœur tant que le protecteur est pas mort. Et pour tuer le protecteur, il faut attaquer le protecteur. Mais tu peux en croiser un, si tu le touches pas, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Sauf certains, mais ça, ça c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus chiant. Je suis en train de regarder, je vois pas, alors je vois l'armement, mais je vois pas les plasmides. Mais voilà, il y a différents types de plasmides. Il y a les plasmides donc physiques qui vont permettre de taper loin, enfin de taper fort ou d'avoir plus de vie, de récupérer par exemple. Je sais qu'il y en a qui permettent de récupérer de l'ève, donc de la magie, oui. en prenant de la santé. Il y en a qui permettent de récupérer de la magie en faisant un piratage. Enfin voilà, c'est vraiment un système de jeu qui est ultra complet. Pour tout ce qui est plasmide, vous avez juste appuyé sur une touche. Moi j'ai joué clavier souris, donc quand on en clic gauche vous permet de frapper, clic droit vous fait passer entre les armes et les plasmides. Oui, parce que dans BioShock 1, c'est soit plasmide soit arme. C'est soit plasmide soit arme, tu peux pas avoir les deux en même temps. Peux genre lancer un éclair et puis passer sur tes armes pour frapper, quoi. C'est ça, mais du coup t'as pas l'espèce de spé main droite main gauche, quoi. Voilà. Je suis en train de réfléchir. En fait, y a pas grand chose à dire de plus sur le système de jeu. C'est vraiment un système qui est. En fait, le système de jeu, c'est un système FPS relativement classique, en fait. La puissance de BioShock, c'est comme beaucoup de jeux quand tu regardes bien. C'est son visuel, son scénario. C'est ça. C'est complètement la puissance de BioShock, c'est son scénario, pour moi. Le système de jeu étant très classique, c'est vraiment le scénario qui fait tout. Ouais, et l'univers qui l'entoure. Et l'univers aussi, parce que c'est vrai que l'univers dans lequel on évolue est oufissime. C'est oufissime, c'est génial. Très sincèrement, rien à dire en fait sur l'univers, parce que je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement, tellement classe. Et vraiment, on est dans le jeu. Et c'est pas genre je suis très rapidement dans l'univers. Non, on est immergé entièrement dans l'univers. Et c'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant. On arpente vraiment à 100% les rues, si on peut dire, de Rapture. C'est vraiment, mais, moi, je trouve ça... Les différentes zones, c'est vrai qu'il y a des tableaux différents à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on c'est comme un exemple en voiture, entre conduire sur autoroute et en route de campagne. En route de campagne, on va moins se fatiguer parce que c'est varié, ça change, il y a plein de choses à voir, et voilà. Mais on va mettre plus de temps. L'autoroute, c'est rapide, sauf qu'on va se fatiguer plus vite. C'est ça. C'est exactement ça, et je sais pas, moi c'est vraiment un de mes jeux préférés, BioShock. Parce qu'il a ce côté complètement presque what the fuck au final, qui est dans le jeu, que je trouve assez assez génial, moi. Je trouve ça complètement génial. C'est assez what the fuck, c'est quoi qu'on fasse, il se passe toujours un truc. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Il y a toujours des twists, en fait. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas, qu'un gros twist de fin, même si généralement à la fin il y a un twist juste monumental. On a tout le temps des petits twists à droite, à gauche qui font que on finit par se dire mais putain, mais les mecs, mais comment ils ont eu l'idée de ça? Mais comment ils ont trouvé l'idée de ça? Comment ils ont pu créer une histoire comme ça? Parce que c'est... Voilà, on peut être surpris avant la fin, et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on va être surpris avant la fin, se dire, putain, ben ça y est, et non, il y a encore un truc. Il y a des retournements, il y a des... Enfin... Ah ouais, non, c'est pas le palpitant. Les retournements de situation, ils sont tout le temps, quoi. Tout le temps. Et les dénouements sont... Et on va peut-être passer rapidement parce qu'on va pas parler pendant des heures du jeu. Je sais pas si toi, juste, il y a peut-être un truc. Je demande, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont été gênées par certains trucs. Est-ce qu'il n'y a pas, toi, un truc dans le jeu qui t'aurait gêné? Juste qu'on passe à ça très rapidement, voir s'il y a juste un petit truc, une connerie. Mais moi, ce qui m'a gêné, honnêtement, je crois que c'est juste les affrontements avec les protecteurs. Ouais. Ouais, parce que honnêtement, enfin, et après le fait qu'il y avait des moments, enfin, c'est vrai que moi, avec les jeux de peur, quand je... parce que c'est pas un jeu d'horreur en soi, c'est pas un survival horror en fait, BioShock. Ça fait pas peur non plus. Mais c'est vrai que le premier, c'est très claustro, c'est très sombre, et il y a quand même des, il y a des passages du jeu. Faut clairement pas être claustro pour jouer. C'est ça. Moi, je suis pas claustro, mais il y a des passages du jeu où c'est angoissant. Il y a des moments d'angoisse. Et c'est vrai que moi, en fait, ça m'a fait un peu un effet à la Doom 3. C'est-à-dire que, il y a un moment, j'étais tellement angoissé que j'arrêtais de jouer. Parce que je peux plus. J'attendais l'espèce de respiration scénaristique dans le sens où tu vas avoir une cinématique, où tu vas avoir un moment de calme, où tu vas pouvoir. Il y a des fois, parce que comme c'est pas non plus un couloir, le jeu, on peut un tourner. Peu quand même, hein. Un peu, mais tu peux quand même tourner à certains moments et ne pas quitter une zone, par exemple, que tu ne vas pas apprécier, une zone qui va t'angoisser, tu peux y rester un moment, le temps de trouver la solution pour, des fois, tuer un ennemi ou savoir où est-ce qu'il fallait aller. Enfin, il y a des moments comme ça. Et c'est vrai que ça m'a gêné, ça, avec le fait que, putain, mais les combats avec les protecteurs, mais c'est une horreur. Ah, mais en fait, moi, alors, ce que je vais dire, parce que du coup... J'en ai parlé très très rapidement. Moi, je l'ai fait en stream. Ça a été terminé sur YouTube hier, je crois. Alors, quand on enregistre, c'était hier. Ouais, c'est ça. Ça s'est terminé pour nous le 5 février. Donc, oui, parce que quand je suis allé sur YouTube, il me semble avoir vu toutes les parties. Ouais, tous les BioShock sont faits sur YouTube. 7 ou 8 parties, je crois. 6. 6 parties. Et mais 6 parties juste pour le premier BioShock. Juste pour le premier BioShock, ouais. Parce que je n'ai pas encore vu Infinite, c'est pour ça. Infinite commence du coup ce soir, en fait, à 18h, donc dans un quart d'heure pour nous. Oui. Les premières vidéos de Infinite sortent pour nous dans un quart d'heure. Enfin, la première, du coup, parce que je les diffuse jour à jour. Donc on vous mettra... vous allez chercher, il y a toujours dans la description du podcast... sur Mixcloud, il y a toujours un regardez machin là voilà il y a enfin j'ai mis la description au pire vous tapez BioShock partie 1 les survivants et puis voilà non mais il y a toujours dans la description Mixcloud troisième ligne c'est retrouver la chaîne YouTube de l'émission ici même avec voilà le lien pour YouTube et sincèrement moi je sais pas j'ai eu un espèce de gros coup de cœur sur ce jeu. Il y a quelques petits passages qui m'ont gêné et je disais oui voilà pour le stream. Il y a une technique qui est ultra simple pour tuer les protecteurs. Et c'est con mais en fait moi ce que j'ai fait et je l'ai fait parce que du coup ça m'éclatait et que c'est comme ça que moi je voyais qu'on le faisait. C'est tu prends avant de les commencer à les affronter, tu prends un fusil à pompe avec des balles ioniques. Il faut que ce soit les balles ioniques. Hein. Oui, parce que c'est vrai que chaque arme peut avoir son propre type de munition. Parce que oui, chaque arme a un type de munition. Voilà, le pistolet va avoir les munitions antipersonnelles, munitions normales. Enfin, il y a toujours quasiment trois types de munitions pour toutes les armes. Sauf du coup pour la clé anglaise. Ce qui semble logique. Et donc, ouais, tu prends ton pistolet avec. Enfin, ton fusil à pompe avec les balles ioniques. Et en fait, tu lances un éclair sur le protecteur, tu switches, tu tires une balle ionique, tu switches, tu lances un éclair, tu switches, balle ionique. Et en fait, le truc, c'est que comme les protecteurs sont des espèces de gros robots, ils sont sensibles à l'éclair, à la foudre, en fait, à l'électricité. Et du coup, ils vont prendre deux fois plus de dégâts avec les trucs électriques. Et les balles ioniques sont des balles électriques. D'accord. Donc en fait, tu l'enchaînes parce que l'électricité va le paralyser. Tu le paralyses avec ton électricité et tu tires une balle ionique. Et en fait, le truc, c'est qu'immédiatement, il faut rebalancer sur l'électricité parce que quand il se mange une balle ionique, il va avoir un tout petit temps de recul Et même si là il était électrocuté, il est sorti de son animation d'électrocution. Et t'as tout juste le temps, en tirant, en switchant et en lançant un éclair, de le restun, et tu le stun en boucle. Alors le truc, c'est que le fusil ionique a que 4 munitions, donc tu peux le faire que 4 fois à la suite. Donc en fait, une fois que t'as tiré ta quatrième balle, il faut mettre en rechargement et te barrer en courant. Parce que sinon, le machin te court dessus, et là, quand il te touche, t'es mort. Ah oui, c'est radical. Hein. Ça, même c'est radical. Si même, même à distance, hein, il te met une baigne. Hein. Et oui, il peut te tirer dessus. Il a son lance-grenade avec les... Comment ça s'appelle? Les grenades... comment est-ce qu'on appelle ça? Pas collantes. C'est des mines antipersonnelles, en fait. C'est il ça. Balance des mines antipersonnelles. Et quand t'arrives sur la gueule, tu fais « Ah, ça va !» Et puis quand elle explose 2 secondes plus tard, tu fais « Putain, j'ai mal !» Mais ce qui est cool, contrairement, alors ça c'est un petit point que je vais donner contrairement à Infinite, parce que du coup comme on parle des deux, dans le 1 on peut se soigner, on n'a pas besoin de trouver des pochettes de soins pour se soigner, c'est à dire qu'on a un stock de trousses de soins, on en a 9 maximum et on peut les claquer quand on veut. Et on n'a pas de stock dans Infinite. On n'a pas de stock dans Infinite. Dans Infinite, tu n'as aucun stock. Et moi, j'ai trouvé ça ultra gênant. Parce que du coup, tu vas avoir un... Enfin, si t'es blessé, tu peux pas te soigner comme ça, là, d'un coup. T'es obligé de trouver un truc de vie pas loin. Il me semble que t'as un pouvoir qui permet de te soigner, non? Non. Je me souvenais plus, là. Non, c'est assez terrible. Pour moi, ça, c'est un des problèmes d'Infinite, mais on y reviendra. Et là, vu qu'on arrive à 45 minutes à parler de ça, on va avancer un peu, on va spoiler. Ouais. Donc, si vous voulez pas spoiler, revenez dans 5 minutes, vous serez en pleine pause musique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on arrive effectivement au sous-marin auquel Atlas nous emmène pour sauver sa famille. Et au moment où on va sauver sa famille, le sous-marin est détruit. Donc du coup, il dit, putain, c'est la faute d'Andrew Ryan. Ce Ryan nous a parlé en nous disant, il faut absolument pas suivre Atlas. Ne suivez pas Atlas, Atlas est mauvais, machin. Mais sans jamais vraiment nous en parler plus. Et... Ces interventions étaient assez brèves. Voilà, c'est très bref et c'est toujours des mises en garde. C'est toujours, enfin, tu sens que c'est le méchant. Tu sens que c'est lui le méchant, il est pas gentil, il est... Voilà. Et il essaie de te retourner contre Atlas, qui veut te sauver la vie. Et donc il nous dit, c'est Andrew Ryan qui a fait ça, on va le tuer ce salaud. Donc on va trouver un moyen de le tuer. Effectivement, on arrive, finalement après, ça prend quand même du temps hein, d'arriver au niveau de Ryan. Moi, j'en ai eu pour plus ou moins 4 heures. 4-5 heures pour arriver à Ryan. Et quand on arrive à Andrew Ryan, Ryan nous dit, c'est une très belle phrase... Qui est genre le enfin ça dit en gros t'es un mouton, tu obéis. C'est ni plus ni moins que ça, t'es un mouton, t'obéis. Et on comprend pas vraiment jusqu'au moment où il nous dit je vous prie. Il nous dit assis, je vous prie. Et là, le personnage s'assoit. Et on n'a plus aucun contrôle sur le personnage. Jusque-là, pendant son monologue au départ, on avait du contrôle. On pouvait bouger, on pouvait sauter, on pouvait taper contre la vitre, parce qu'on est séparé de lui par une vitre. On pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Et à partir du moment où il commence à dire « je vous prie », le jeu passe en mode cinématique. Et là, on se dit « putain, il y a quelque chose qui va pas ». Et le personnage, à ce moment-là, a un flash. Et il revoit tous les moments où Atlas nous dit « je vous prie ». Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il dit « je vous prie », on lui a obéi, inconsciemment. Et en fait, ce qu'il nous dit... c'est que Andrew Ryan est notre papa. Andrew Ryan, c'est ton père. Twist. Mais pas ton père biologique. Twist. C'est pas ton père biologique. En fait, la vérité, c'est que tu n'as pas de père biologique. Twist. Tu as été créé en laboratoire par Andrew Ryan et le docteur Tenenbaum pour être un peu un espèce de pantin et pour réagir au « je vous prie ». Oh putain. Et en fait, c'est Atlas qui t'a ramené à... C'est lui qui a fait crasher l'avion, en fait, pour tuer Ryan. C'est lui qui s'est dit, vas-y, j'en ai ras le cul, il faut que je tue Ryan. Donc je vais faire crasher. Je sais qu'il nous met dans l'avion. Il nous fait prendre l'avion et il fait crasher l'avion et il nous fait rentrer dans. Et après, il nous fait obéir à tous ses ordres en finissant toujours ses phrases par je vous prie. Et ça, moi, j'ai trouvé ça. Je suis désolé, moi, je trouve ça déjà génial. Donc, ce qui veut dire que Atlas, en fait, t'as fait faire ce qu'il voulait. Atlas t'a fait faire ce qu'il voulait. Alors, Parce en qu'il fait, connaissait le le système truc. du je vous prie. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le truc, c'est que c'est un point de scénario qui explique un truc de gameplay. Et c'est là que moi je trouve ça mais ahurissant parce que dans tous les jeux vidéo, vous allez avoir le PNJ qui vous dit eh tiens, va faire ça pour moi. Et à chaque fois, tu vas le faire. À chaque fois, tu vas le faire. T'as pas d'obligation. Tu pourrais rester à te branler les couilles. Tu pourrais Royalement. royalement, on pourrait te dire par exemple allez, passer par la gauche pour aller tuer machin. Et Non, toi, je tu dis t'emmerde, je fais tu sais quoi, je demi-tour. t'emmerde, je pars par la droite. Mais à chaque fois dans un jeu vidéo, vous n'allez pas passer par la droite parce que le personnage vous a dit passe par la gauche. Donc vous allez toujours passer par la gauche. Et en fait, vous allez obéir au PNJ sans forcément le vouloir. Et justement, c'est le point de scénario. C'est ce point-là qui est utilisé dans le scénario de BioShock. C'est que le personnage t'a contrôlé pendant tout le scénario. Pour que. Pour justement que tu obéisses à. Tous ces, à, bah, à tous ces ordres en fait. Donc tu puisses l'aider à s'échapper. Et en fait, c'est pas à s'échapper, c'est à prendre le contrôle de la cité. Parce qu'en fait, Atlas est une espèce de Puisque un Atlas est. il est concurrent à Ryan, en fait. Alors en fait, c'est le co-créateur de la ville. Ah. Atlas, c'est le co-créateur de la ville, puisque Atlas n'est pas vraiment Atlas. Oh mon Dieu, qui est-il? Attention, twist. Atlas est. Attends, je prends. Voilà. Atlas est en fait de son vrai nom, Frank Fontaine. Fontaine étant le co-créateur de la ville, dont on a entendu pas mal parler pendant tout le jeu, puisqu'il est dépeint comme un espèce de salaud. Et enfin, c'est un salaud qui est, mais que Ryan a tué, quoi. Ryan est certain de l'avoir tué. Et là, d'un coup, paf, twist, en fait, Fontaine est vivant, il nous a contrôlés depuis le début, et c'était Atlas. Et surtout, ben on va mourir. Parce qu'il nous contrôle, et on n'a pas de moyen de s'échapper. Et là, d'un coup, les petites sœurs arrivent, et c'est le docteur Tenenbaum qui nous les envoie, et elles viennent nous sauver. Et là, on fait, yes! Et on a ce côté justement où du coup le docteur Tenenbaum, on va se réveiller en fait, on va tomber dans une espèce de coma. On pense parce qu'en fait le personnage tombe et ça devient noir et on se réveille dans un lit, donc on pense qu'il était dans le coma, on sait pas trop. Le personnage va se réveiller, le docteur Tenenbaum nous dit, écoute, c'est cool mais je t'ai sorti du contrôle mental. Il ne peut plus te contrôler en disant je vous prie. Par contre, il peut toujours te faire du mal. Parce que les plasmides que tu t'es injecté depuis le début du jeu, c'est ça qui fait que t'es contrôlé. Et c'est à cause de ça que les chromosomes sont devenus fous. C'est en fait, ils sont contrôlés par des phéromones. Qui sont dans les plasmides. Qui sont dans les plasmides et dans l'air aussi. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que les plasmides sont dans l'air. Et que c'est ça qui permet de. Voilà, si les chromosomes vous attaquent, c'est parce que Atlas a voulu qu'il vous tue. C'était pas simplement, il aurait pu faire allez, pousse-toi de mon chemin, poussez-vous de notre chemin, et nous on va aller tuer machin. Non, non, il a fait en sorte qu'il y ait une vraie opposition, une vraie vie. Et c'est pour ça que tous les chromosomes nous attaquent, alors que de base, on pourrait penser qu'ils n'ont aucune raison de nous attaquer vu qu'on ne leur veut pas de mal. D'accord, donc en fait, les chromosomes sont contrôlés un peu à ta manière, en fait, comme toi tu es contrôlé. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, les chromosomes, c'est des toi qui ont merdé. Non, parce que les chromosomes, en fait, c'est des. Donc, c'est les anciens habitants de la ville Ouais. qui sont devenus fous à force de s'injecter des plasmides et d'être contrôlés. Ils ont fini par péter les plombs. Tout simplement. D'accord, et... donc en fait, l'excuse de la ville, c'était de créer une ville parfaite avec une armée de personnes à leurs ordres, quoi. Non, en fait, c'était de créer une ville qui était... En fait, à la base, les intentions étaient vraiment louables. C'était vraiment de créer une ville parfaite qui était là pour les libres penseurs, pour les artistes, pour tout, en fait. C'est vraiment, il y a pas, là-bas, il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien. Et, en fait, avec les plasmides, ils ont mis au point le système de plasmides. Et il y a eu une espèce de folie du pouvoir entre, déjà, les gens qui avaient des plasmides et ceux qui n'en avaient pas. Et, en plus, entre Ryan et Fontaine. Parce que Fontaine a pété les plombs, il a eu une espèce de rêve de grandeur. Et il s'est dit, je vais conquérir le monde, quoi. Je vais conquérir le monde, et ça a commencé par Rapture, et c'est moi qui vais avoir Rapture, et pas ce salaud de Ryan. Et du coup, bah, il a vraiment pété les plombs, quoi. Et il s'est mis à contrôler plein de trucs. Enfin, c'est quand même assez difficile à expliquer, parce que c'est un jeu qui est très très compliqué et vaste. Et croyez-moi que Infinite, ce sera pire. Infinite, ça va être mille fois pire, mais ça va être logique. Et je vais avoir peut-être un peu moins de mal à l'expliquer. Parce que là, en fait, tout le truc de Bioshock 1, c'est que tout ce qui est truc d'histoire, c'est juste des mécaniques de gameplay, en fait. C'est, par exemple, effectivement, ils pourraient ne pas avoir mis d'ennemis. Mais ils ont mis des ennemis, parce qu'il faut quand même que dans un jeu, t'aies des ennemis, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il y a des ennemis? Quelle raison ils auraient t'attaqué? Bah, en fait, ils ont été contrôlés par les plasmides. Tu vois, c'est pour moi, c'est ça qui rend ce jeu génial. Donc, en fait, les chromosomes, en fait, répondaient aux ordres d'Atlas. Voilà. De Atlas et Ryan, apparemment, je vois. Enfin, bref, c'est... Toujours, enfin, le plus... On va quand même finir, parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on arrive à terminer. Donc, dénouement final, en fait, on va s'attaquer à Atlas, à Fontaine. Et c'est un espèce de monstre qui, en fait, s'est nourri de tout l'Adam des petites sœurs. Tout l'Adam des petites sœurs, il l'a absorbé et c'est devenu un espèce de méga monstre. Et on va pour le tuer. Et alors qu'on arrive au coup final, il nous envoie voler. Il se penche vers nous pour nous tuer. Et là, on voit des petits trucs qui tombent. On voit des petits trucs qui tombent. Et toutes les petites sœurs se jettent pour lui. Et récupèrent tout la dent qu'il leur a volé. Et elle le tue, en fait. Elle tue Atlas. Si c'est Atlas. Oui, je dis pas de conneries. Elle tue Atlas. Et là, on a la fin. Et c'est là qu'on voulait en venir avec Puck tout à l'heure. C'est que il y a une bonne et une mauvaise fin. Qui est liée aux petites sœurs que vous avez sauvées. Alors, normalement, c'est toutes les petites sœurs. Le truc, c'est qu'en fait, vous pouvez ne pas avoir sauvé toutes les petites sœurs. Si, par exemple, vous avez sauvé une seule petite sœur dans le jeu, ça comptera quand même. Parce que c'est basé sur le nombre de petites sœurs que tu as vues et sauvées. Et pas sur toutes les petites sœurs du jeu. Donc, en fait, dans le jeu, vous avez, je sais pas combien il y a de petites sœurs, vous en avez dans chaque niveau, sauf le niveau final, puisqu'il y a tout un passage où on va être en protecteur et tout ça, qui est peut-être le passage le plus chiant du jeu, soyons honnêtes. C'est le passage le plus casse-couille du jeu. Moi, je ne me retrouvais pas là-dedans, je galérais comme un porc, je ne comprenais que dalle. J'étais complètement perdu, donc pour moi, ça a été le pire passage du jeu. Et en fait, c'est juste pour amener des petites sœurs. J'ai même pas compris pourquoi. Pourquoi il fallait le faire. J'ai pas compris, pardon, c'est ma PS2 qui vient de se casser la gueule. Parce que oui, j'ai une PS2 sous mon bureau pour jouer à Dragon Quest le soir. Hein, quand on a les vrais jeux, on a les vrais jeux. Et du coup, voilà, la mauvaise fin. Alors, je connais pas la mauvaise fin. Je n'ai jamais fait la mauvaise fin. La mauvaise fin se déclenche quand vous tuez toutes les petites sœurs que vous croisez. Alors, en fait, c'est quand vous en tuez plus d'une. Quand vous tuez plus d'une petite sœur, c'est mauvaise fin immédiate. Si vous sauvez toutes les petites sœurs, sauf une, vous n'êtes pas obligé de toutes les sauver, il y en a une que vous pouvez tuer pour la dent. Si vous les sauvez toutes, sauf une, mais vous pouvez toutes les sauver, toutes celles que vous croisez, hein, bien entendu, eh bien, vous avez la bonne fin. Et la bonne fin, ça, par contre, je la connais par cœur. La bonne fin, c'est tout simplement Jack, donc alias One Punch Man, qui va quitter la ville, remonter à la surface, avec ce qu'ils vont appeler son... Papapapof, que je retrouve ça, parce que je l'ai lu, justement... puisque système choc, putain, je retrouve pas. C'est un peu son jardin secret ou quelque chose comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est en fait, voilà, il remonte avec des petites sœurs à la surface et il va vivre sa vie. Et en fait, la fin dit, voilà, tu as été une personne bonne, tu leur as offert une vie. Tu as fait la seule chose qu'aucun de nous n'a jamais fait jusqu'à présent. Tu as offert une vie aux petites sœurs. Et voilà, c'est la bonne fin. Il finit par avancer, et puis il meurt, et voilà. C'est assez classique comme fin. Il meurt ? Et il meurt à la fin du jeu. Il finit effectivement par mourir. Hein. On le voit sur son lit de mort mourir. Mais il meurt de vieillesse, en fait. Ah ! Tu vois, il meurt pas je suis mort. C'est le mec qui remonte. Ah, ça y est, je suis libre. Ah. Enfin. Non mais c'est ça. Non mais effectivement il remonte à la surface. Ouais, tu te rends compte qu'il a vécu sa vie, qu'il a vraiment offert une vie aux petites sœurs, etc. Et qu'il a fini par mourir entouré par les petites sœurs, entouré d'amour. Il y a une dernière chose que je dois vous dire, c'est qu'à la base le jeu ne devait pas du tout être comme ça. À la base le jeu avait un scénario qui était complètement différent, donc ça devait effectivement se passer dans Rapture, mais on devait être un redresseur de pensée. Alors, qu'est-ce qu'un redresseur de pensée ? Je vais vous lire en fait tout le truc de Wikipédia parce que voilà, j'ai la flemme de vous raconter ça comme ça. Le personnage principal était censé être un redresseur de pensée, un homme capable de délivrer les gens de l'emprise d'un culte ou de les astreindre à adopter une certaine droitesse morale et psychologique. Ken Levine cite un exemple de ce qu'un redresseur de pensée fait lorsque des gens louent leur service afin que leur fille qui entretient des relations lesbiennes revienne dans le droit chemin. Le redresseur de pensée kidnappe et les reprogramme. C'est vraiment quelqu'un de sombre et c'est le genre de personnage que vous étiez supposé incarner. Toi, t'es badass. Le déroulement de l'histoire aurait été davantage impliqué politiquement, les services de ce personnage auraient été loués par un sénateur. Le gameplay est similaire à ce que fut la première mouture du jeu, mais le scénario a été radicalement modifié. Irrational Games, donc les développeurs, décidant de faire du game design l'élément principal du jeu, selon Levine. Et ça, je trouve ça juste... Ah, moi, je pense très sincèrement que ça aurait été très fun à jouer. Je comprends, hein, qu'on soit d'accord, je comprends que ça puisse déranger des personnes. Je comprends que l'idée d'un redresseur moral, d'une personne qui va dire que, par exemple, toi, t'es lesbienne, c'est pas bien, tu vas plus l'être, ça puisse être gênant. Oui, mais enfin, ça peut être une forme aussi de dénonciation, justement, sur la non-acceptance des différences. On va pouvoir dire ça, mais en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie. Oui. Il y a des camps dans la vraie vie, pour la plupart catholiques. Alors, moi, je blâme personne, hein. Mais voilà. Enfin, c'est toujours les mêmes quand même. Hein, qui sont des camps de redressement. Où les jeunes. C'est des trucs, je suis désolé si je vous dégoûte, mais. Moi-même, ça me donne la gerbe rien que d'en parler. C'est des camps où, par exemple, si vous êtes homosexuel, les homosexuels sont envoyés dans ce genre de camp. Et ils sont reprogrammés, mais littéralement reprogrammés. C'est par exemple, pour les homosexuels, on leur fait regarder des films porno homo en leur donnant des vomitifs. On leur donne des trucs qui les font vomir. Et on leur fait ça, mais vraiment plusieurs fois par jour, par semaine. Ah ouais, en fait, c'est la méthode Pavlov, quoi. C'est la méthode Pavlov. C'est les forcer à associer l'idée de porno et l'idée de vomir. Enfin, l'idée d'homosexualité et de vomir. Ce qui fait que, au bout d'un moment, forcément, et ça c'est obligé, hein, faut être honnête, ils vont vraiment associer ça. Ils vont vraiment... être en mode si je suis homosexuel je vais être malade, et malheureusement c'est leur cerveau qui va faire ça. c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute aux personnes, entre guillemets, reprogrammées. C'est la faute des personnes qui les reprogramment. Et ça, normalement, le scénario du jeu aurait dû être ça. Sauf que les producteurs et les gens qui gèrent le studio ont dit c'est peut-être un peu trop, par contre. Là, c'est peut-être un peu trop. On va faire autre chose, ça va être plus joyeux. Bon, c'est pas plus joyeux, hein, faut être honnête. Mais c'est moins sombre. Moins polémique. Mais c'est moins polémique, moins sombre. Je pense que c'est ça aussi. Et voilà. Et moi, personnellement, j'ai sincèrement kiffé le jeu. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Tu me dis que t'es pas allé jusqu'à la fin? Non, mais honnêtement, c'est carrément dans le domaine du possible que je le reprenne et que je me le fasse jusqu'au bout. Hein. Parce que je l'ai trouvé splendide. Quoi. Parce que moi, honnêtement, oui, je t'ai dit les points qui m'ont gêné. Mais derrière, honnêtement, c'est pas un jeu qui me rebute. Hein. Bien au contraire. Ah, mais je comprends. Hein. Bien au contraire, parce que sinon, j'aurais jamais joué aux deux. Entre guillemets, hein, t'aurais jamais dû jouer au 2 déjà. Déjà de base, mais j'aurais jamais acheté le 2. Et surtout, j'aurais jamais joué et fini BioShock Infinite. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, ça fait quand même une heure qu'on est lancé. Putain, ce podcast va durer 3 plombes, je suis désolé. On va faire une pause musique et on revient tout de suite pour Infinite. Pour Infinite. Voilà, de toute façon, Infinite ça va aller plus vite parce qu'on va parler uniquement scénario et un peu gameplay et un peu visuel, puisque le gameplay n'est pas très nuancé. Le gameplay n'est pas très nuancé, non, au contraire, c'est vraiment. Voilà. Donc on va vraiment s'attarder sur le scénario, je pense, vraiment pour Infinite. Ouais. Bah, ça va être plus scénario, effectivement. J'avais promis aux gens que j'expliquerais le scénario. Donc voilà. Donc on se fait ça, on se fait une pause musique et on revient. À tout de suite, les gens. À toutes. Ah, elle était bien cette petite pause là. Oui. Voilà, on est d'accord, elle était bien. Oui. Et du coup, effectivement, bah, on a fini avec BioShock 1. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un BioShock 2 qui existe. De nom. en fait, je vais vous expliquer très rapidement. Il y a vraiment un BioShock 2 qui existe. Oui. Faut être honnête. La seule différence, c'est que BioShock 2 est un FPS tout con qui n'a aucun intérêt autre que juste se faire mousser, en fait. C'est vraiment, il n'a aucun intérêt. Et vous jouez un personnage dans Rapture, qui est directement un protecteur, je crois. C'est vous jouez directement un protecteur. Moi, j'y ai sincèrement jamais joué. Bah, en plus, surtout que d'après ce que tu me dis, ce sont des robots, donc on jouerait un robot, en fait. Ah, c'est pas des robots, c'est des humains dans un espèce de costume de robot. Ah, ouais. C'est assez compliqué, c'est assez chiant. Et voilà, le 2 n'a pas d'histoire particulière, il n'a pas une histoire marquante. Et Ken Levine, en fait, n'a pas participé au développement et à l'histoire de BioShock 2. Ce qui fait que pour moi, il n'existe pas, parce que BioShock est vraiment la série de Ken Levine. Point barre. Et je suis ultra chiant là-dessus, et les gens qui me connaissent savent que je suis ultra casse-couille quand il s'agit de ce genre de sujet. Pour moi, BioShock 2 n'existe pas. Il n'y a pas de BioShock 2. BioShock 2 est une invention de votre esprit. Ne jouez pas à BioShock 2, vous allez perdre votre temps. Voilà. Et on enchaîne directement avec, justement, BioShock Infinite. Donc, qui fait suite à BioShock. Qui fait plus ou moins suite à BioShock. Enfin, qui est dans la logique, en fait, ça fait BioShock Infinite, quoi. C'est dans ce sens-là. Voilà, dans la logique, ça fait place à BioShock. BioShock, alors pareil, on va commencer par l'histoire. On va pas vous spoiler au début, on vous spoilera après. On va essayer de pas prendre trop de temps, un peu moins que pour BioShock 1. On est désolé, hein, une heure, mais comme on vous disait, c'est des jeux extrêmement complets. Oui. Et on n'a pas envie. J'ai déjà dû enlever plein de choses que je voulais dire sur le jeu. Parce qu'on arrivait à une heure d'enregistrement et c'est déjà énorme. Et il y a beaucoup de choses à raconter. Du coup, BioShock Infinite, ça se passe dans les années 1900. On n'a pas vraiment de date. Ça se passe dans les années 1900. Ça commence avec un personnage. C'est là que pour moi, c'est magique. Parce que les premières choses que vous voyez, c'est donc deux personnages en train de ramer. enfin une personne en train de ramer, une personne à côté de l'autre personne qui ne rame pas, et votre personnage qui ouvre un espèce de comment de petit boîtier où il a un flingue, et regarde, il fait nice gun et il le met dans sa poche. Et donc les deux personnes se battent parce que il y a une des deux personnes qui ne veut pas ramer, tout simplement. Il y a une des deux personnes qui ne veut pas ramer, donc on comprend aux voix que c'est un homme et une femme. Et elle parle assez étrangement puisque la femme donc dit, enfin l'homme dit tu pourrais ramer. La femme lui répond non, j'ai pas envie. Et l'homme dit il pourrait ramer. Et la femme lui répond, il ne rame pas. Comment ça, il ne rame pas? Il ne rame pas. Mais comment ça se fait qu'il ne rame pas? Ah, je vois ce que tu veux dire, mais pas une seule fois? Pas une seule fois. Et c'est la fin d'échange. Et il y a plein de petits passages comme ça. Quand le bateau s'arrête, il s'arrête près d'un phare, qui est exactement le même phare que BioShock 1. Tant qu'à faire. Il s'arrête près d'un phare et avant que vous ayez pris le contrôle de votre personnage, la femme dit « Il ne bouge pas. Est-ce qu'il va bouger ?» L'homme répond « Oui, il va bouger, bientôt. » Et à ce moment-là, vous prenez le contrôle de votre personnage. Et vous entrez dans ce phare. Alors, c'est pas du tout le même que le 1. Hein. Enfin, c'est de l'extérieur, c'est le même, mais à l'intérieur, c'est pas du tout le même puisque cette fois-ci, au lieu de descendre, vous allez monter. Et arrivé tout en haut, vous avez une porte avec des petites cloches. Et vous sortez une carte où il y a marqué justement les cloches. Et quand vous activez ces cloches, ça fait une espèce de... une corne de brume. J'avais pas le nom, mais effectivement, c'est une corne de brume. Il y a une corne de brume qui résonne. Et la porte s'ouvre et vous montre juste un siège. Votre personnage dit, bon bah je suppose qu'ils veulent que je m'assoie sur leur siège. Vous vous asseyez sur le siège. Et à ce moment-là, ça vous attache, ça vous retourne, donc votre flingue tombe. Donc là, on dit, merde, mon flingue. Et ça fait préparation au lancement. 5, 4, 3, 2, 1. Pff, le machin part comme une fusée. Vous êtes dans les nuages, 5000 pieds. 10 000 pieds, 15 000 pieds, 20 000 pieds. 20 000 pieds, ça fait plus ou moins 600 km, je crois. Bim 20 000 pieds. Ça fait 6 km. Alors, c'est plus ou moins 20 000 pieds. Hein. Moi, je me souviens du 20 000 pieds, mais c'est peut-être beaucoup plus. Vous faites plus de 6 km dans les airs et vous arrivez dans une ville volante. Putain, c'est quoi ce délire? What the fuck is it? What the fuck? Et donc, bon, vous apprenez que le nom de votre personnage est Booker DeWitt. Et vous arrivez dans une espèce d'église. Et arrivez à l'église, très important encore une fois. Tout ce que je vais vous dire, ça va être super important pour la suite. Vous arrivez dans un espèce de groupe religieux. Et le prêtre vous dit, il vient de la Sodome inférieure. Sodome et Gomorre. Oui, non, mais attends, tu vas comprendre. Il arrive de la Sodome inférieure. Mon fils, pour entrer dans la ville, il faut être baptisé. Voulez-vous être baptisé? Forcément, qu'est-ce qu'on va répondre? Bah ouais, oui. J'ai pas trop le choix. Hein, j'ai envie de rentrer, moi, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Donc le prêtre vous prend par la main, pose sa main sur votre tête, dit quelques mots, et vous plonge la tête dans l'eau. En quelques secondes, vous voyez votre personnage qui se débat un petit peu parce que forcément quand on vous plonge dans la tête dans l'eau, vous tirez la gueule. C'est pas forcément agréable, ça se trouve vous avez fait un brushing la veille, ça vous casse les couilles. C'est ça. Et le prêtre vous remonte et dit voilà, nous accueillons notre nouveau frère parmi nous. Et il s'arrête, il dit mes frères, celui-ci ne me semble pas pur. Il repose la main sur votre tête, il vous remet la tête dans l'eau et vous vous noyez. Fondu au noir, vous êtes dans les pommes, vous vous réveillez dans une sortie d'eau, vous comprenez que vous avez été emporté par le courant et que vous êtes sorti là, et vous vous réveillez, et votre personnage dit oh, ce prêtre, il devrait apprendre la différence entre un baptême et une noyade. La petite blague de début. La petite blague de début est donc, vous avancez, vous arrivez dans Columbia. Columbia, ville volante. Magique, peut-être, on ne sait pas. Et vous arrivez pendant une parade, machin, vous voyez une grande statue. Votre personnage sort une petite carte où il y a marqué Get the girl. Prenez la fille. Si vous avez pas bien fait attention, ils en parlaient un petit peu au début du jeu, mais on reviendra. Et là, un gamin arrive près de vous. Télégramme pour vous, monsieur DeWitt. Là, tu dis, putain, comment le gamin il a su que j'étais là? Qui il a su que j'étais? Déjà rien que ça. Moi, dans ma tête, ça me posait un problème. De me dire, merde, comment est-ce que le gamin il a su qui j'étais? Donc vous prenez la carte. Il vous donne le télégramme. C'est DeWitt. Stop. Ne vous faites pas remarquer. Stop. Ne prenez pas le numéro 77. Stop. Lutèce. Stop. What? Comment ça vous faites pas remarquer, prenez pas le numéro 77? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc vous avancez et vous tombez sur un grand panneau. Prenez garde au faux berger. Et voyez une main crochue avec marqué sur la main AD. Et votre personnage regarde sa main, il y a gravé AD dessus. Et là, tu es là, tu fais, où est-ce que je suis tombé? C'est quoi ce délire? Déjà, d'où je suis un faux prophète, moi? D'où je suis un faux prophète? Vas-y, viens dire ça en face. Viens dire ça, fils de pute. Non, mais déjà, qu'est-ce que le fuck je fais avec ça sur la main? Et qu'est-ce que le fuck... What? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça va rester un peu en suspens. Pour le moment, hein, bien entendu. Jusqu'au moment où vous arrivez... sur une espèce de place publique avec plein de gens rassemblés, avec une jeune fille qui vous dit monsieur, venez, venez, venez, prenez une boule, c'est la grande loterie, la grande tombola de Columbia. Putain, une tombola, c'est trop bien. On tire une boule, et on tire la boule. 77. Dime. Donc déjà là, on se dit, putain, je sais pas pourquoi, mais ça pue pour mon cul. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue. Je sens qu'il y a un truc qui va m'arriver. On m'a dit de pas tirer le 77, j'ai tiré le 77, j'ai déjà un peu mal au bout. Comment tu pouvais savoir que t'allais tirer le 77? C'est ça déjà la question. Moi je veux bien pas le faire, mais sur une loterie où on tire au hasard, j'avais pas sélectionné ma boule. Et donc, le présentateur est là, et oui, et donc le gagnant de la loterie est le numéro 77. Waouh, regardez, c'est lui, monsieur, machin. Waouh, trop bien. Pour pas se faire remarquer, c'est cuit. Pas se faire remarquer déjà, c'est cuit. Et là, on vous présente le lot de la loterie. Un couple interracial. Donc un blanc et une noire. Et vous avez gagné le droit de leur envoyer le premier coup. C'est super sympa. Et là, tu fais ta mère. Et là, t'as un choix. C'est-à-dire que t'as un choix. Soit tu lances la boule sur le couple. Soit tu lances ta boule au présentateur. Alors, moi, je suis désolé. Mais je lance toujours ma boule sur le présentateur. C'est pas pareil. Moi, on me propose de jeter quelque chose sur un noir, je le fais. Non, non, non. C'est un jeu vidéo. Ça ne traduit absolument pas mon opinion. Non, on s'arrête là tout de suite. On ne va pas rentrer là-dedans. À ce moment-là, tu penses à TMPMP et tu balances la boule sur animateur, c'est vrai. Ah ouais, putain, balancer la boule sur Hanouna. Ah, mais carrément. Voilà. Ah, moi je le fais direct. Voilà. Mais il est pas noir. Corrélation. Mais il est pas noir, mais je m'en branle, je lui lance la boule à la gueule à ce connard. Ah, mais faut pas penser à TMPMP parce que tu serais plus tenté à balancer la boule sur le basané que sur le présentateur. Là, il risque d'avoir un test de petit conflit. Non. Non, on va faire comme si on avait un entendu. Et donc, au moment où vous allez lancer votre boule, vous levez la main et il y a un garde qui vous attrape la main, celle où il y a marqué AD. Ah bah oui, forcément, tu lances avec la main, forcément. Et donc, il vous regarde, il fait, mais qu'est-ce qu'on a ici? Ce serait pas le faux prophète par hasard? Et donc là, dans ta tête, t'es en train de te dire fuck. Pourquoi je suis très gaucher en tout temps. Et tu te dis bon, ça va, ça passe. Je vais juste leur casser la gueule et puis ça va aller. Je vais mettre 2-3 roustes et puis ça on n'en parlera plus. Non mais c'est exactement ça. Enfin moi c'est ce que je pensais au début. Et donc tu te fais courser par la police. Bon on va avancer un petit peu. Tu récupères un espèce de truc à la main qui est à la main gauche d'ailleurs je crois. Un espèce de crochet qui sert à s'attacher aux crochets qui sont déjà accrochés en l'air. Sur les rails. Et aux rails aussi, parce qu'il y a pas mal de rails. Alors, des rails aériennes. On va pas s'étendre là-dessus parce que ça prendrait beaucoup de temps. En gros, c'est la nouveauté du jeu. C'est la nouveauté du jeu, c'est la possibilité voilà, d'avoir des rails et de pouvoir, enfin, de s'en servir pour avancer dans le jeu, en fait, tout simplement. Tout simplement, soyons honnêtes, ça sert à avancer dans le jeu. Et donc fast forward, vous arrivez finalement dans la tour, la fameuse tour, et vous tombez sur cette jeune fille dont on vous a parlé, Elisabeth, qui est une jeune fille qui est observée par les gens dans la tour. C'est une sorte de cobaye. C'est une espèce de cobaye. Mais... c'est une sorte de Truman. Voilà, moi littéralement, ça m'a fait penser au Truman Show. Oui, parce que finalement, elle est dans des lieux de vie, et je crois qu'elle a même pas conscience d'être observée. Hein. Non, elle a pas conscience d'être observée. Et c'est assez terrible. Donc on finit par aller la voir, par la sauver. Et donc on la sort de là. Et au moment où on la sort, il y a un truc qui se déclenche. Une espèce de musique. La même musique qu'on a fait pour rentrer dans le phare. Et Kivlak, c'est qu'arrive un énorme oiseau en métal qui vient nous attaquer. Donc là, déjà, on se dit merde. Ça, c'est du protecteur. Personnellement, j'étais en train de me dire fuck. Bon, bah, chapeau à la merde, je n'ai pas de balle ionique, je suis niqué. Voilà. Non, mais c'est ça. Et en fait, on va pas l'attaquer, on va pas le frapper. Mais on va s'enfuir, en fait, tout simplement, avec Elisabeth, la jeune fille qu'on a sauvée. Et on se dit, ouais, bon, ça va, c'est tranquille, c'est sympathique. Et on est en train de s'enfuir. On s'enfuit donc par les rails. Sauf que cette espèce de chien d'oiseau de merde, eh ben, il pète les rails et on tombe. Et on tombe. Et on arrive dans l'eau, en fait. Alors, comment il y a de l'eau là-dedans, je ne saurais pas vous le dire. En fait, c'est une espèce de plage artificielle, un peu comme... Paris-Plage, voilà. Mais sans la Seine. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont foutu, du sol, ils ont foutu de l'eau, et puis voilà, allez, gère ta mère. Et on va devoir tout simplement s'enfuir, en fait, de cet endroit. Va falloir, le but du jeu, ça va être de trouver un dirigeable pour ramener la fille. Puisque, quand on tombe, et même quand on se noie, j'ai oublié de dire ça à ce moment-là, on tombe, on a une espèce de rêve. Où on a des gens qui viennent nous voir en nous disant ramenez la fille et épongez vos dettes. C'est les voix qu'on entend, elles nous parlent et nous disent ramenez la fille et épongez vos dettes. Donc là on se dit merde. Je suis un accro du jeu et je me suis foutu dans la merde. Et du coup c'est ce qu'on va faire quoi. C'est ce qu'on va faire, on va ramener la fille pour éponger nos dettes. Faut être honnête, hein, c'est pour ça qu'on le fait. Et on va passer un petit peu, parce qu'il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de... voilà. On va finir par arriver dans le dirigeable, la première dame, qui est le dirigeable du président de ce monde, entre guillemets. Président, si on peut dire comme ça. Qui est le père Comstock, qui est la personne qui retenait Elisabeth en otage. Donc déjà, GG bro, t'es un enculé. Pour être honnête. C'est pour ça que ton nom de famille, ça veut dire stock de sperme. Oh, mais non, Comstock, pas Comstock, putain. Oh, cet homme me fatigue. Cet homme me fatigue, si vous saviez. Pourtant, ça l'aurait fait, hein. C'est un enculé, donc il a un nom de merde. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Enfin, un nom de merde, non, pour le coup, pas de merde. De foutre. Ouais, de foutre. Un nom dont on n'en a rien à foutre. Oh, putain. Oh, elle est belle, celle-là. Et pas en clignon, mais presque. Et donc, pendant tout le truc, on dit à Elisabeth, oui, t'inquiète pas, on va t'amener à Paris. Parce que on sait qu'elle est fan de Paris, et surtout, j'ai oublié de le dire, on voit quand on arrive dans la tour dans laquelle elle est enfermée, qu'elle est capable d'ouvrir des espèces de trucs dans les airs, en fait. On la voit ouvrir comme une faille, littéralement, comme une faille dans la réalité, qui fait un espèce de... ça ressemble à un vagin, faut être honnête. Quand c'est ouvert. La plupart du temps, oui, on dirait un vagin déchiré après un accouchement. On dirait un vagin déchiré après un accouchement qui donne sur autre chose. Et la première fois qu'on le voit, c'est Paris. Après, elle peut faire apparaître d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle peut faire apparaître des munitions, des armes, des... Voilà. Bref, on va pas s'étancher là-dessus. J'allais dire s'éponger. On va pas s'éponger là-dessus. Parce qu'on a déjà le cumstock. Donc on va pas s'éponger là-dessus. Et donc on arrive dans le dirigeable et notre personnage met les commandes du dirigeable pour New York en disant Elisabeth, ouais, t'inquiète, on va aller à Paris. Sauf que Elisabeth, elle va les coordonner, elle fait mais tu te fous de ma gueule là? Comment ça je me fous de ta gueule? Tu nous emmènes à New York? Tu as découvert mon secret, putain, je suis dyslexique, merde. Non mais c'est ça, elle fait oui. Et on va pour... Donc Elisabeth se met à chialer. On va pour la rassurer. Et là, elle nous a ça. Mais moi, j'ai trouvé ça magnifique, la référence. Je l'ai acheté. Je l'ai appelé, du coup, One Punch Woman après. Parce qu'elle nous a ça avec... Une clé anglaise. Une clé anglaise. Du coup, moi, je l'ai appelé One Punch Woman. Parce qu'en un coup, mais alors, elle te met une patate moldave. Et t'es couché. Mais direct, hein. Direct, t'es couché. Et moi, j'ai trouvé ça splendide. Et on se réveille. Et on est avec tout simplement les résistants. Puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville a été montée dans le ciel après ce qu'ils ont appelé, enfin ce qui s'appelle la révolte des boxers. La révolte des boxers, c'était un truc qui a eu lieu en Chine. C'était en la guerre des boxeurs, blablabla. Je suis en train de chercher très rapidement. Ce mouvement, initialement opposé à la fois aux réformes aux colons étrangers et au pouvoir féodal de la dynastie Manchu des Qing, qui gouvernait alors la Chine, fut utilisé par l'impératrice douairière Cixi contre les seuls colons, conduisant à partir du 20 juin 1900 au siège des légations étrangères présentes à Pékin. C'est compliqué. Mais donc, en gros, ils sont montés dans le ciel à cause des Chinois. Non, ils sont montés dans le ciel, mais du coup, ils ont participé à la guerre des Chinois. D'accord. Voilà, enfin, ils ont participé. Enfin, on sait que certains personnages du jeu, dont Booker DeWitt, ont participé à la révolte des boxers. D'accord. Et ça, c'est très important pour la suite. Et du coup, en gros, je suis en train de chercher ce qui se passe. Oui, en gros, les révolutionnaires, c'est les Noirs. Parce qu'à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est les Noirs qui sont... c'est une société très ségrégationniste. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a beaucoup de ségrégation, en fait. Et les Noirs sont clairement détestés. Et si vous lynchez... Si au début du jeu, on vous propose de lyncher une Noire, c'est parce qu'ils sont détestés. Au bout d'un moment, il faut être honnête, c'est littéralement parce qu'ils sont détestés. Et... C'est la vieille Amérique, quoi. Et en gros, le personnage, donc la chef des révoltants, Daisy Fitzroy, vous dit, vous savez quoi? Vous êtes là, vous avez un aéronef, mais du coup on vous pique l'aéronef, et vous allez nous aider à battre Comstock. Ce qui semble une louable intention, vu comment c'est un gros fils de pute. Vous allez nous aider à battre Comstock en allant chercher des armes. Et c'est là que le what the fuck commence, parce qu'on commence déjà à vous montrer des trucs un peu what the fuck. On arrive à l'atelier donc du trafiquant d'armes, et sa femme nous dit, c'est là Alors, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais c'est un jeu qui est très cliché. Et quand, moi, quand je suis arrivé dans, dans l'atelier, on monte dans l'atelier et on voit un hôtel de Bouddha. Donc je me suis dit, c'est des Asiates. Je ne vais pas faire un accent chinois dégueulasse parce que je veux pas passer pour un raciste. Je savais que toi, c'est ce que t'as fait immédiatement. Bah non, bah Doudou, on voit de quoi tu parles. Et donc, j'étais en stream, et vous pouvez le voir en stream, ça doit être dans la partie 4 ou 5 du stream. Peut-être même avant, je sais plus. Et je dis clairement, moi je vais pas le faire parce que voilà, je veux pas passer pour un raciste. Et donc on arrive, l'atelier, les machines sont éteintes, il est vide, machin, on se dit, bon... Et là, on entend pleurer à l'étage d'en dessous. On se dit, bon, on va redescendre. Et devant la statue de Bouddha se trouve une femme asiatique. La femme du marchand d'armes. Et quand on lui parle, et là, je suis désolé, mais moi, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, le jeu l'a fait à ma place, en fait. Parce qu'on arrive devant la femme, et la femme nous parle, et je vous jure, mot pour mot, c'est ce qu'a dit... Retrouvez mon mari, il a été enlevé par le paracomtank. S'il vous plaît, il faut aider mon mari. Et moi j'étais là, j'ai fait. Non mais ils ont pas osé. J'étais en train de me dire, c'est un foutage de gueule. Et non, ils lui ont vraiment fait un accent ultra raciste. Et moi j'en pouvais plus. J'étais mort. À l'intérieur, j'étais mort. Littéralement, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, c'est pas possible. Ils ont pas osé. Et si, ils ont osé. Ah oui. Ils ont osé faire ça. Et moi, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux, jeu, quand tu fais des choses comme ça? Comment est-ce que tu veux qu'on... Enfin, bref. Ils ont le droit de faire une petite blague de temps en temps. Et donc on va chercher, on nous dit qu'il a été emprisonné, on nous montre où il a été emprisonné, on y va. Et quand on arrive dans l'atelier, on trouve la cellule du mec, et malheureusement... Il est mort. Il est mort. Il est complètement mort. Alors fondamentalement, t'es pas très tympa à dire, mais il est complètement mort. Il a été aussi refroidi qu'un homme dans un congélateur. Putain. Il est aussi mort qu'un saumon sur un sushi. Il est aussi blanc que du riz cuit sous pression. Tant d'images pour décrire l'ultime voyage. J'en ai marre de ce mec. Non mais voilà, il est mort. Et donc du coup, là, il y a les lutesses qui arrivent. Donc les lutesses étant les deux personnes du début. Qu'on revoit plusieurs fois dans le jeu qui ont l'air d'être jumeaux. Et qui apparaissent toujours. Et qui apparaissent toujours, mais de nulle part. Mais vraiment, ils apparaissent de nulle part. On comprend pas. C'est-à-dire que t'es au chiot, et là d'un coup ils arrivent, pas plus de trois feuilles, hein, puis ils disparaissent. C'est ça, ils disparaissent comme ça. Et ils commencent à parler de failles et de trucs. Mais en fait, c'est toujours très méta en fait. Très métaphysique ce qu'ils racontent. Donc on comprend pas toujours. Il parle un peu comme Dumbledore par énigme. Voilà, non mais c'est exactement ça, il parle un peu comme Dumbledore par énigme. Et donc il nous explique en gros que bah, y aurait moyen qu'il soit pas mort. Et Elisabeth dit mais oui, si elle ouvre une faille et on voit que de l'autre côté de la faille, bah, le cadavre est pas là. Il est pas mort. Quelle est cette magie? Quelle est cette sorcellerie? Et... C'est les 9 boules du dragon. T'as les boules du dragon. Non mais voilà, on va s'arrêter là sur les commentaires racistes, si tu veux bien. Oui. Parce qu'on est quand même déjà à 30 minutes et on est loin d'avoir à peine commencé. On est loin pour. D'avoir fini. On voilà, on est dans la merde. En tambour. Et donc. Je réfléchis. Elle nous dit, tu peux ouvrir cette faille, bon par contre tu pourras pas revenir en arrière, machin. On ouvre la faille, on passe et effectivement on retourne à l'atelier, on retrouve le mec. Mais qui a l'air buggé, il a l'air bizarre. C'est-à-dire que le mec, il glitch C'est-à-dire il a l'air de passer droite à gauche comme ça, comme s'il était en train de glitcher. Et il nous parle alors, en plus avec un accent raciste. Il est là, non, non, s'il vous plaît, pâté des matines. Vous allez gratter les matines. Alors qu'il n'y a pas de machine. Tout à ton cul, enculé, tout à ton cul, par les machines. Il n'y a pas de machine. Et c'est là que notre personnage, alors, quand on remonte la prison, hein, il faut savoir, quand on remonte à la prison, comment elle s'appelle, Elisabeth nous dit, Booker, vous saignez du nez. Effectivement, on saigne du nez. Et, bon, bah, on saigne du nez, quoi. Mais on se rend compte que les gens qu'on a tués dans la prison juste avant, eux aussi saignent du nez. C'est bizarre, hein. C'est chelou. C'est bizarre, mais bon, hein, on va pas s'y attarder. C'est juste un saignement de nez, ça a pas d'influence sur le. C'est juste qu'il fait chaud aujourd'hui, que voilà, on saigne du nez. Voilà, c'est ça, il fait chaud aujourd'hui, on saigne du nez, point barre. Y a pas de. On s'en fout, quoi. Et voilà, alors, on va... je vais pas spoiler plus parce que là, on arrive vraiment. C'est vrai que j'ai pas mal spoilé, c'est vrai que j'étais parti pour raconter toute l'histoire en fait. Et je me dis, merde, faut pas spoiler, putain! Mais ça va, on a spoilé que la moitié du jeu pour l'instant. En gros, un système de combat, bah, c'est plus ou moins le même que Bioshock 1. La seule différence étant que cette fois, on n'a pas des... Comment ça s'appelle des... Comment est-ce qu'on avait dit que ça s'appelait dans le 1 ? Plasmides. Des plasmides, merci. J'ai des chromosomes. On n'a pas de plasmides, mais on a des toniques, qui sont plus ou moins la même chose, qui sont un peu différents quand même. Alors effectivement, il y en a qu'on retrouve, il y a le feu, il y a l'électricité, il y a la glace aussi, il me semble. Mais il y en a des nouveaux, il y a par exemple la lévitation. On peut envoyer des ennemis dans les airs pour qu'ils soient complètement freeze. Des fantômes. Ouais, il y a les fantômes, bah, c'est la possession en fait, c'est le tout premier qu'on récupère. Il y a pas mal de choses. Moi c'est vrai que j'en ai pas utilisé beaucoup. Alors ce que tu pensais tout à l'heure, parce que tu me disais il y en a pas un qui permet de rendre de la vie. Non, il y en a un qui te permet de faire un bouclier. Oui, voilà. Qui renvoie les balles. C'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a un qui permet de faire un bouclier qui renvoie les balles aux ennemis. Mais qui ne te soigne absolument pas. C'est avec ça que j'ai confondu. Et bon, il y a mon préféré, hein, Cthulhu, qui te permet d'envoyer un tentacule d'eau attraper un ennemi, pendant que toi, pendant ce temps-là, tu peux lui tirer dessus. Bon, ça, j'ai trouvé ça super classe. Mais mon préféré, c'était quand même la charge. La charge, c'est que vous pouvez viser n'importe quel ennemi, même un qui est à l'autre bout de la map. Vous lancez le plasmide et votre personnage va foncer dessus et donner un coup de corps à corps. Donc avec son espèce de crochet. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais couplé avec un plasmide, enfin avec un équipement, puisqu'il y a des équipements dans le jeu à la place de plasmides de combat et de soins et de trucs comme ça, vous avez des équipements qui ont différents effets. Et différents effets, merci beaucoup. Et j'en avais un qui, quand je tapais au corps à corps, me brûlait les ennemis, et l'autre, quand je tuais un ennemi au corps à corps, j'ai récupéré de la santé. Donc en gros, j'étais devenu au milieu du jeu One Punch Man. Encore. Le mec, il tape, il fout le feu et puis il récupère de la vie. Non, mais c'est ça. Bon, après, c'était pas forcément One Punch Man parce qu'au bout d'un moment, les ennemis. C'est-à-dire que Bioshock 1, je l'ai joué en facile. J'ai joué les deux jeux en facile. Hein. Je fais toujours les jeux en stream en facile parce que j'ai pas envie de galérer, passer 50 ans sur un truc. J'ai fait les deux en facile et j'ai eu plus de mal dans le Infinite quand même. Hein. J'ai eu beaucoup plus de mal dans Infinite et il y a vraiment des moments où j'ai failli mourir. Mais je suis pas mort, à part certains moments où, comme un con, je sautais dans le vide en me disant « c'est un raccourci !» En fait, non. Je vais avoir ce rail qui est à l'autre bout de la map. Eh merde. Non, parce que tu peux pas sauter comme ça pour avoir un rail. Mais c'est vrai qu'il y en a certains où je me disais « si je descends ici, c'est bon. » En fait, non. En fait, non. Non, ça passe pas. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça marche pas comme ça et tu meurs. Mais je suis vraiment passé pas loin de la mort plusieurs fois. Hein. Donc ce que je vous disais, voilà, contrairement, hein, moi, il y a plusieurs trucs qui me gênent. Par exemple, le fait que vous pouvez utiliser un tonique en même temps qu'une arme. C'est vrai que moi, ça m'a un peu gêné. Ma gauche, après, ma c'est pas forcément plus mal. Il n'y a pas d'arme de cac à part l'arme que vous avez de base, qui est l'espèce de truc de crochet. En fait, le crochet, c'est l'équivalent maintenant du coup de crosse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'arme comme la clé anglaise. Donc, si vous voulez donner un coup un coup au cac, bah, vous appuyez sur la touche de cac. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez dommage. Les armes, il y en a des très bonnes. Mais contrairement au 1, vous pouvez pas en avoir, vous pouvez pas toutes les avoir d'un coup. C'est deux par deux. Oui. Vous avez deux armes maximum dans l'inventaire. Alors que dans le 1, vous avez toutes les armes en même temps, quoi. Donc voilà, moi ça m'a un tout petit peu dérangé. Après, c'est vrai que ça fait plus réaliste, mais enfin, c'est un jeu vidéo. Oui, parce que le mec qui se travaille avec un arsenal de 14 armes sur lui, tu dis, mais où est-ce qu'il met ça ? Mais sachant que dans le 1, il y a quand même l'arme la plus pétée du jeu, en plus de la clé anglaise, qui est l'arbalète. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une arbalète dans un jeu, elle est trop pétée. On peut avoir une motherfucking arbalète, et ça, c'est pété de classe. Désolé, je bois un peu hein, parce que j'arrête pas de parler, donc au bout d'un moment c'est un peu fatigant. Et qu'est-ce que du coup, où est-ce que je voulais en venir? Voilà, ouais, ah, moi ça m'a, juste ça, avant. Ça m'a un peu gêné. J'ai pas eu forcément de difficulté dans le jeu. Je vais être honnête, j'ai pas eu forcément de difficulté. Il y a quelques passages. Moi, ce qui m'a le plus gêné, ça a été... j'aime bien les jeux très dirigistes. Où on te dit clairement où aller. Et j'ai passé tout le jeu. Alors, Bioshock 1, il y avait ce petit élément de gameplay qui est une espèce de flèche, en fait, qui vous montre où aller. Oui. Et dans Infinite, j'avais pas ça. Dans Infinite, j'avais pas ça. Et j'ai compris... après avoir fini le jeu, parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, parce que du coup je l'ai streamé normalement à l'heure où on parle, toutes les VOD sont sorties, et en fait j'ai compris à la fin. Alors j'en parle pas en stream, puisque du coup je l'ai remarqué après avoir fini le tout dernier enregistrement, mais je me rends compte qu'effectivement c'est en appuyant sur la touche N pendant quelques secondes qu'il y a une petite flèche qui se déclenche pour vous montrer où elle est. J'ai compris ça après avoir fini le dernier enregistrement et j'ai fait putain, c'est dégueulasse. Parce qu'il y a eu 2-3 moments dans le jeu où j'étais complètement perdu, surtout vers la fin. Mais ça n'en fait que plus de mérite pour toi, c'est-à-dire que tu vraiment, tu vois. C'était à l'ancienne, quoi. Ah, c'était clairement à l'ancienne. Hein. C'était nos cartes, nos GPS, quoi. Si, il y avait la carte quand même, mais il n'y avait pas le GPS. Et je vous l'avoue, j'ai un sens de l'orientation de merde, je ne suis pas capable de m'orienter. Je le cache pas, je suis incapable de m'orienter. Et du coup même en regardant une carte, je vais être là genre ouais, d'accord. Alors où est-ce qu'est ma tête, où est-ce qu'est mon cul? J'arrive pas trop à le cerner. T'es con. Non mais c'est un peu ça en vrai. Et du coup j'ai été pas mal perdu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement dans le jeu? Il y en a pas des masses en fait. Il y en a pas des masses au final. On va passer à la partie spoil, parce que y a, en fait voilà, je voudrais bien vous faire un petit qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, mais pour être honnête j'ai presque tout aimé dans ce jeu. J'ai donc quasiment tout aimé, donc ça va être un peu compliqué pour moi de vous dire ouais alors ça j'ai pas aimé, ça j'ai bien aimé, mais ça par contre j'ai pas aimé, parce que voilà, enfin je vous ai déjà dit tout ce que j'avais aimé, quoi. Enfin, pour être honnête, il n'y a vraiment pas grand chose que j'ai pas aimé. Spoil fin du jeu. Donc, on va mettre un peu de temps. Mais moi, je vous conseille d'écouter. Parce que ça vous prouve à quel point ce jeu est génial. Et à quel point vous vous rendez pas compte à partir du début du jeu de ce qui se passe. Et pourtant, dès le début, on vous l'explique. Donc, en fait, on a la réponse, on a la fin du jeu dès le début. On a la fin du jeu dès le début. En gros, et c'est là que moi je ne suis pas d'accord avec Wikipédia. Parce que Wikipédia nous parle des Lutèces comme étant donc les inventeurs de la technologie qui permet de faire voler la ville. C'est vrai. Ce sont les inventeurs de la technologie qui fait flotter Columbia, qui est basée sur les particules. Ce sont des particules plus légères que l'air qui tiennent la ville. Soyons honnêtes, c'est complètement possible. C'est très possible. Ça existe. Enfin, ça n'existe pas encore, mais c'est quelque chose de physiquement possible. Mais par contre, ils sont présentés comme frères et sœurs, jumeaux. Et c'est là que moi, je dis non. La personne qui a écrit ça n'a pas compris le jeu. Oui, non. Oui, je vois où tu veux en venir. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend très vite, c'est qu'il y a une histoire de dimension parallèle, de réalité alternative. Alors, il faut savoir que moi, tout ce qui est réalité alternative, dimension parallèle et tout, ça me branche carrément, je kiffe. Je kiffe ma race devant ce genre de truc. Et donc, le passage du... où on... remet à la vie le marchand d'armes, c'est en fait on va dans une dimension parallèle où il n'est pas mort. Sauf que comme il était déjà mort dans une autre dimension, et ben son fantôme, son existence dans cette dimension là est très chelou, très bizarre. Parce que justement il a ses souvenirs de l'ancienne dimension où il était mort. D'ailleurs je vais couper mon jeu parce que sinon je vais être incapable de me concentrer. Arrête de faire évoluer tes Pokémon, bordel. Non. Mais voilà, non, si je coupe ma DS parce que là il faut que je me concentre. Et j'ai envie de comprendre, alors arrête. Et donc en gros, c'est à peu près ça, c'est des histoires de dimensions parallèles, etc. Ce qui se passe et ce qu'on voit, parce qu'on a un flashback où on voit Booker qui poursuit les Lutès et Comstock quand ils enlèvent un bébé. Et ce bébé s'appelle Anna. Et on comprend que c'est Elisabeth, en fait. On comprend que c'est Elisabeth parce que dans le jeu, Elisabeth a une partie du petit doigt qui manque. C'est montré dès le début du jeu, mais c'est pas en mode relou, en mode « Regarde, regarde, regarde, il lui manque un petit doigt, il lui manque un petit doigt, il lui manque un petit doigt. » Non, c'est elle a un dé à coudre sur le doigt pour cacher le moignon. Mais c'est tout. On n'en parle pas, sauf à la fin du jeu, quand on trouve Comstock. Ou Comstock... nous dit, enfin dit à Elisabeth, demande-lui pour ton doigt, il sait. Et bon, là on tue Comstock, et au moment où on tue Comstock, notre nez se remet à saigner. Là on se dit, il y a un problème. Il y a quelque chose. Coïncidence, je ne pense pas. Et en fait, dans le flashback qu'on a, c'est donc les Lutès qui, en fait, on leur donne le bébé, on pense. Et on joue Booker qui court vers eux en leur disant c'est une erreur, je veux pas, j'annule le deal. Sauf que comme Stock est là, dit aux Lutès, prenez le bébé. On essaye d'arrêter comme Stock, sauf que comme Stock se libère et on va pour attraper Anna. Anna tend sa main et la faille dans laquelle passent les Lutès se referme, se refermant sur son petit doigt. Et c'est la fin. Et là, on se dit, putain, il y a un truc qui est chelou. Et à la fin du jeu, donc on a tué Comstock, on s'est sauvé, en gros. Et je sais plus comment ça en arrive que Elisabeth comprend et elle ouvre une faille. Et quand elle ouvre une faille, on se retrouve dans le bateau avec elle. Avec exactement le même dialogue des Lutès. Il ne rame pas. Jamais ce genre de choses. Et on monte donc à l'échelle, on va à l'entrée du phare et quand on entre dans le phare, on se retrouve sur une plateforme. C'est des petits ponts en bois. Et quand on avance, la plateforme monte devant nous. Et on se retrouve dans plein de phares comme ça. Jusqu'au moment où on arrive dans un baptême. Plus ou moins le même qu'au début. C'est notre baptême à nous. Et alors qu'on va se faire baptiser, Booker dit non, je veux pas, barrez-vous. Il se casse et il dit à Elisabeth, ouvre une autre de ses failles, je veux pas rester là. Il est vraiment pris de panique. Et elle ouvre une autre de ses failles. On se retrouve dans Columbia. Dans Rapture. En fait, il y a plein de trucs comme ça. On passe plein de failles. Elle dit ce ne sont pas des failles, ce sont d'autres univers. Ce sont des univers différents d'une autre, mais pareil. Elle dit, mais il y a toujours des choses qui changent. Il y a toujours une chose qui va changer. Et on arrive à la dernière faille. Et quand on ouvre la porte, on se retrouve encore une fois au baptême. Et encore une fois, Booker est complètement réticent à ça. Sauf que, donc il y a Elisabeth qui nous dit... mais vous comprenez, on doit tuer Comstock à la base. Et il dit oui, on va retourner dans le temps, on va tuer Comstock à la base. Elisabeth lui répond, mais c'est ce qu'on a fait. Et là, on entend une autre Elisabeth qui fait, oui, c'est ce qu'on a fait. Et il y a une autre Elisabeth qui arrive. Et une autre, et une autre, et une autre. Et on se retrouve face à six Elisabeth, toutes différentes d'apparence, mais toutes la même. Et on se dit, putain, c'est quoi ce merdier? Et là, elle nous pousse dans l'eau. On se noie. Et c'est la fin du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que ta tête fait... Et en fait, non, parce que moi, quand je suis arrivé, sincèrement, je vais pas vous mentir, quand je l'ai fait le jeu la première fois, je l'avais craqué. J'avais commencé à y jouer une fois, je m'étais dit, ouais, c'est sympa, mais ça me gonfle un peu. À l'époque, j'avais même pas encore fini le premier BioShock. Et il y a eu, ce que je racontais à Puck tout à l'heure, il y a eu un speed game sur BioShock où il racontait l'histoire. Et quand j'ai entendu l'histoire de BioShock, j'ai fait putain, c'est génial. C'est génial, j'adore. Et j'ai refait BioShock 1. Et je me suis dit putain, ça va être le même, je vais faire BioShock Infinite. Et j'ai fait BioShock Infinite et je suis arrivé à la fin. Et à la fin, j'ai dit, il faut que j'achète ce jeu. Et immédiatement, je l'ai acheté. Parce que j'ai compris immédiatement ce que voulait dire le jeu. J'ai compris pourquoi. À la fin du jeu, elle nous tue. Est-ce que t'as compris, toi, pourquoi à la fin du jeu, elle nous tue? Bah, y avait un délire sur le fait qu'en fait, nous et Comstock, on était la même personne. C'est exactement ça. Mais dans des réalités différentes. Univers, voilà, dans un univers parallèle. En fait, il y a eu deux univers, et c'est là que je vais vous expliquer en prenant un principe qui est très simple. Est-ce que vous avez tous... Enfin, est-ce que, Puck, tu as vu Retour vers le futur 2? Oui. Celui où ils vont dans le futur, ils reviennent dans le passé, ils reviennent encore dans le passé, ils reviennent dans le présent. Oui, c'est ça, oui, c'est un peu le bordel, oui, oui. Et quand ils reviennent, donc ils partent en 2015, ils reviennent en 1985 et leur 1985 est différent. Et quand Marty va voir Doc, Doc lui explique qu'il y a deux lignes temporelles. Une qui est la leur où Biff n'a pas eu l'almanach et une qui est celle où ils sont actuellement où Biff a eu l'almanach. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le jeu, la réalité que nous on joue, c'est que DeWitt a refusé le baptême la première fois. Il a refusé le baptême, il est resté Booker DeWitt. Dans la réalité de Columbia, Booker DeWitt a accepté le baptême et il est devenu le père Comstock. On parlait tout à l'heure de la main crochue avec marqué AD dessus. Oui. Ça, en fait, ça vient du fait que, comme ils disent au début du jeu, ils ne rament jamais. C'est parce que c'est pas la première fois qu'un Booker DeWitt vient à Columbia. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, et dans aucune des réalités, il n'a ramé. Dans aucune réalité, il n'a ramé. Et à chaque fois, il a pris la boule numéro 77. Et en fait, c'est un ensemble de choses comme ça qui font que on comprend donc la théorie des mondes parallèles. Tout simplement, à chaque événement de notre vie, il y a un monde parallèle qui est créé. C'est une théorie qui est très connue, c'est la théorie des cordes. Qui fait que le monde est fait de plein de petites cordes, tu vois. C'est pas des atomes, en fait, c'est des cordes. Et entre chaque corde, il y a un univers parallèle. Qui est géré en fonction de nos choix. Par exemple, il y a un univers parallèle où, enfin, de nos choix et des choses qui arrivent. Il y a un univers parallèle où on est tous des canards. Il y a un univers parallèle où Puck et moi, on n'a jamais commencé Yolo Records parce que Puck n'a jamais commencé la radio. Il y a un univers où on n'a jamais commencé Yolo Records parce que je n'ai jamais commencé la radio. Tu vois ? Et en fait, c'est un truc, c'est simple. Parce que c'est tout simplement les différents choix qui ont été faits qui font qu'il y a, différents trucs parallèles. Et en fait, Anna, alias Elisabeth, comme elle a été transportée enfant à travers une faille, elle a acquis les pouvoirs de la faille. Ce qui fait qu'elle permet de les ouvrir. Et ce que je vous racontais tout à l'heure sur les lutesses qui font que je ne suis pas d'accord avec Wikipédia, je crois que c'est dit dans le jeu. En fait, Robert et Rosalind Lutèce, qu'on nous dit étant frères et sœurs jumelles, sont en fait des réalités différentes. C'est la même personne, en fait. C'est la même personne, mais dans des univers différents. Il y en a un où c'est un homme et un où c'est une femme. Et en ouvrant des failles, en fait, il a découvert la technologie qui permet d'ouvrir des failles, permet d'ouvrir la réalité, où elle, en fait, on ne sait pas. Et il ou elle a trouvé son alter ego. Et comme il ou elle avait son, comme l'alter ego était le même ou la même, ben ils se sont mis ensemble dans la même réalité. Enfin, dans les mêmes réalités, puisque je... Bah, la même, en fait, parce que apparemment celle de Columbia est entre guillemets la principale. C'est puisque, de ce qu'on comprend, comme il a. On voit au début du jeu que quand il donne Anna. On voit à la fin du jeu, pardon, quand il donne Anna, puisque finalement on voit qu'il la donne. On voit que c'est. En fait, c'est sa fille, d'où le AD, Anna DeWitt. Il s'est gravé de malheur, comme il ne voulait pas réellement la donner, c'est-à-dire que c'était un joueur. Il a eu des dettes. Et les Lutèces sont arrivés en lui disant: soit tu nous donnes la fille. Donc sa fille, Anna, si tu nous donnes la fille, on te rembourse tes dettes. Et lui a dit, accro comme il était, il a dit oui. Il leur a donné le bébé et il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et il a dit merde, non c'est pas possible, je vais la récupérer. Mais comment ça se fait que... Oui, mais comment ça se fait que son alter... Enfin, que comme Welt, enfin, comme Stock récupère le bébé en fait, c'est ça le truc. Parce que la femme de Comstock était... comment on dit ça ? Elle pouvait pas avoir d'enfant, en gros. Ouais. Sa femme pouvait pas avoir d'enfant, et donc il a cherché lui avec, puisque en fait il a monté la ville avec les Lutèces. Et oui. Donc les Lutèces lui ont parlé des mondes parallèles. Et il leur a demandé à chercher dans un des mondes parallèles une ou des versions où il aurait un enfant. Et du coup, si tu veux, c'est comme ça qu'il rentre en contact avec. Avec DeWitt. Et voilà, c'est comme ça qu'il rentre en contact avec DeWitt. Il voit Booker DeWitt, donc qui est le lui-même, qui n'a pas fait son baptême. Et il va lui piquer sa fille. Et en fait, à partir de là, ça crée plusieurs Booker DeWitt, tu vois. Mais qui ont tous le même but, retrouver la fille. Et il y a, je crois que c'est une citation au début du jeu, qui est genre, la mémoire se crée. Parce que, enfin, la mémoire se modifie en fonction de ce qu'on fait. Et c'est montré plusieurs fois dans le jeu. Et on en parlait quand le chinois, le trafiquant d'armes, est changé de... Quand il est changé de réalité, il peut pas... il a des souvenirs de la première réalité. En fait, c'est tout ça. Ils ont tous des souvenirs de la première réalité. Et c'est... Moi, je trouve ça horrible. Horrible. Et je vais juste te laisser parler 2 minutes. Je vais juste te laisser parler 2 minutes, donc vas-y, meuble un petit peu. Voilà, je te laisse meubler quelques minutes. Oui, donc du coup, je parlais en off pour meubler. Alors, vous pourrez vérifier par vous-même qu'il y a apparemment une corrélation entre Infinite et le premier BioShock. Puisque, comme ils expliquent qu'il y a dans Infinite, il y a plusieurs univers, il y a un moment, ils arrivent dans l'univers en fait d'Infinite. Et enfin de BioShock 1, et du coup en fait il y a l'oiseau qui se fait emprisonner en fait à l'extérieur, qui se retrouve noyé et qui pousse un dernier cri d'agonie avant de mourir, et hop là il rechange encore de réalité. Et il y a des gens qui auraient trouvé en fait un son dans le premier BioShock à un certain moment du jeu, un son qui ressemblerait au cri de l'oiseau, et donc du coup en fait ils expliqueraient que le moment où ils passent dans cet univers de rapture et que l'oiseau meurt, en fait ça serait un moment ça se passera en fait en parallèle du 1. Ce qui aurait été prouvé. Enfin, prouvé, démontré, ce qui aurait été plus montré que démontré, je pense. Et donc voilà, ça serait une espèce de petit crossover, je crois que c'est ça le terme. Ce serait une sorte de crossover en fait entre BioShock 1 et BioShock Infinite. Oui, voilà. C'est ce que tu me racontais. Après, moi j'ai un peu de mal avec cette théorie parce que j'ai pas de preuves. Donc voilà, et comme je te disais, j'ai la flemme de refaire le jeu. voilà. Je sais même plus où j'en étais, je suis désolé. Hein. Tu parlais d'avant, après baptême. Je parlais d'avant, après baptême. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. C'est juste, il a cherché, le Comstock a cherché à avoir une fille. Et voilà, Mais pourquoi DeWitt, en fait, quand on commence le jeu, n'a pas conscience qu'il est là pour récupérer sa fille? Parce que, comme je disais, les souvenirs se font et se défont. Et en fait, c'est un peu comme le 1. C'est la même histoire que le 1. Dans le 1, on est un personnage créé à qui on a implanté des souvenirs. Dans le 2, on pense... on ne sait pas vraiment trop, en fait. Le truc, c'est que plusieurs fois dans le jeu, on revoit la séquence dont je parlais, « Ramenez-nous la fille, effacez vos dettes » dans le bureau de DeWitt, toujours. On voit qu'il y a beaucoup de bouteilles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles. Oui, parce que même ces séquences-là, si je me souviens bien, elles changent. Comment ça? Bah, on voit plusieurs façons. Il y a plusieurs façons, mais après, c'est dans son esprit, en fait. C'est son esprit qui recrée la scène. Et plus ça va dans le jeu, plus on apporte des souvenirs. Parce que tu vois, au début, il entend juste des voix qui sont distordues. Après, il entend la voix des lutesses. Après, il voit les lutesses. Après, il voit les lutesses et Elisabeth. Oui. Donc, en fait, il met les pièces petit à petit, bout à bout, dans sa tête. Et ouais, en gros, on pense que par la tristesse et tout, j'ai un moment de blanc. Mais du coup, parce que du coup, Anna est emmenée dans l'univers de Comstock. Oui. Mais alors, comment DeWitt y arrive-t-il? Ben ça, on ne sait pas et on pense qu'il a été ramené par les lutesses. Par les lutesses. Puisque ça commence toujours avec les lutesses. Parce que finalement, en fait, le début de tout, c'est la séquence du bateau. La début de tout, c'est la séquence du bateau. Et c'est là où on se réveille, un peu comme dans le 1. On se réveille dans l'avion. Ouais, c'est un ça, peu ça, toujours ça, cette... Ça ressemble à une sorte de réveil, en fait, au final. Tu vois, ça semble toujours à une sorte de réveil. C'est un peu Zelda, mais sans Zelda. Oui, je vois le truc. Et donc, du coup, en fait, il y aurait eu... Donc, plusieurs fois, Elisabeth aurait tenté de le faire baptiser. Non, plusieurs fois, les lutesses auraient essayé de le ramener pour le faire. Parce qu'en fait... Elle voulait pas être baptisée, si tu veux. Le truc, c'est que ils peuvent pas tuer. Enfin, si tu Comstock après, Columbia existe quand même. Quel est le moyen d'arrêter Columbia? Tuer Comstock avant qu'il existe. Comstock avant qu'il existe, c'est DeWitt qui va se faire baptiser. Ah oui, donc il faut pas qu'il se fasse baptiser. Et au lieu de le baptiser, qu'est-ce qu'elles font? Elles le tuent. Il n'y a pas de DeWitt. Il n'y a pas de Comstock. Il n'y a pas d'oiseau. Il n'y a pas de Columbia. Mais il n'y a pas d'Elisabeth, du coup. Voilà. Ça, c'est le problème. Mais après, on pourrait dire, oui, mais alors, oui, mais tu l'as fait quand même. Donc, du coup, c'est que ça veut dire que ça existait. Je vais reprendre ce que disait un grand poète appelé Florent Dorin. Oui, mais alors de toute façon, les histoires de voyage dans le temps, personne n'y a jamais compris, il n'y a jamais rien compris et ça nous casse les couilles. Voilà. C'est ce qu'ils disent à la fin de la saison 1 du Visiteur du Futur. Hein. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est des histoires de voyage dans le temps et d'univers parallèles. Moi, je vois ça vraiment, voyez ça comme Retour vers le Futur 2. Voyez ça comme Retour vers le Futur 2 où... Vous avez pour chaque action une réaction. Pour chaque action qui est faite, voyez un univers qui se crée. C'est tout. Mais Même en partant de ça, alors, peut-être moi qui n'ai pas bien compris le truc, en partant de ça, Oui. donc il y a plusieurs univers qui se créent, mais la conclusion qui allait forcément arriver à un moment, puisque on a dit, hein, plusieurs univers se créent, donc il y a forcément un moment où ça devait arriver, qu'il devait mourir. Donc, si elle le tue, qui est noyé, donc il n'y a plus Mais en de... fait, ils reviennent à la base. Ils reviennent, si tu veux, à l'univers de. En fait, on estime que les univers parallèles pour Booker DeWitt commencent au moment où il se fait baptiser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si elles arrivent à le tuer, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu avant n'aurait jamais dû exister. Oui, mais c'est exactement ce que je dis. Les voyages dans le temps, c'est compliqué. Personne n'y a jamais rien compris. Et ça nous casse les couilles. C'est un énorme paradoxe temporel. Parce que après, je crois que j'avais vu justement un mec qui expliquait que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était une boucle infinie. Ce Quoi qui qu'il arrive, c'est prenait. une boucle infinie. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Parce qu'il si tu expliquait tues. que si on voyait, par exemple, si on prévoyait de voyager dans le temps pour tuer Hitler, qu'on le Voilà, tue. qu'on tue Hitler, on n'aura pas de raison après dans le temps de voyager dans le temps pour tuer Hitler. Donc on voyagera pas dans le temps pour tuer Hitler. Donc on n'aura pas tué Hitler. Donc on voudra voyager dans le temps pour aller tuer Hitler. Donc on tuera Hitler. Donc on n'aura pas de raison de voyager dans le temps pour aller tuer Hitler. Etc. Etc. Etc. Donc du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont C'est le ça. tuer. Mais Sauf que, voilà, à chaque fois, ça va être... à chaque fois, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que bon, c'est pour moi, c'est toujours il y a une grosse incohérence là-dessus. C'est le principe de la fatalité, en fait. C'est le principe de la fatalité. Après, dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle le noie, la caméra monte un peu, montre les Elisabeth autour du corps de DeWitt et le jeu coupe là. Il n'y a Il pas me une, quand même, semblait il y a pas qu'après une on dernière se. scène où on le voit justement, il entend les cris de, on voit une scène où on voit de, en fait, on est DeWitt et Et dans le bureau et on entend les cris de Anna. voilà, sauf qu'il rentre dans le bureau et là ça se coupe. Et On ben sait pas si elle est encore là ou pas. il me semblait aussi. Il me semblait que la première fois que j'avais fait le jeu, il y avait cette scène-là. Et Il quand me j'ai semble refait le, et quand j'ai fait le stream, je ne l'ai pas vue. parce que moi j'ai souvenir de cette scène-là Ben justement oui. où il rentre dans le truc. On pense qu'elle est là, mais on sait pas trop, et le jeu se coupe. Moi aussi. Et pourtant, j'ai pas eu cette scène-là quand j'ai refait le jeu sur Comme PC. si, justement, enfin, ça donne l'impression, en fait, qu'il se réveille, il entend Anna crier, il se dit, merde, je suis en train de revivre la même chose, elle va encore se faire enlever. Ben non, parce que ça se fait pas enlever, c'est lui qui la donne. Oui, mais du coup, enfin, tu sais, c'est comme s'il se réveillait d'un rêve, en fait. Ouais. Et que du coup, en fait, il se réveille d'un rêve, et il entend Anna crier, et il a tout qui revient, il se dit, merde, Anna. Et il y va, mais tu sais pas finalement ce qui se passe, Bah quoi. ouais, c'est ça. Et moi, il me semblait, tu vois, maintenant que t'en reparles, il me semblait l'avoir vu aussi. Et je vais rechecker rapidement dans le stream parce que Parce j'ai qu'après, vraiment cette sensation d'avoir vu cette scène. t'as pas justement le système de choix qui fait que t'as plusieurs fins différentes, je crois pas. Hein. Non, t'as pas de fin différente dans BioShock Infinite. Dans BioShock Infinite, t'en as pas du tout. Et du coup, c'est assez gênant. Enfin, assez gênant. Chacun son truc après. Donc, ouais, là, je suis dans la fin. Elisabeth le noir. Écran noir. Alors, je suis en train de re-regarder la vidéo. Hein. Je suis désolé. Et non, moi, j'ai Irrational Game immédiatement. Il est noyé. Il est noyé. On a la caméra qui monte. Ah si, et si, les Elisabeth disparaissent du coup à la fin. Je vois ça maintenant, j'y avais pas prêté très très très C'est attention. peut-être à la fin du générique alors. C'est peut-être à la fin du générique et moi j'ai coupé avant la fin du générique, c'est vrai. Ce que je me dis, ça se trouve, c'est à la fin C'est du générique. oui, Il c'est exactement ça, c'est à la fin du générique qu'il y a ça. Et moi je suis pas allé jusqu'à la fin du générique. C'est vrai, merci de me le rappeler. Bah du coup ça fera un petit. Ça fera un petit. Un petit bonus pour les gens qui écoutent le podcast. Voilà. Parce que ça, il me semblait que justement après le générique, t'avais cette espèce de twist final où. Où on sait pas trop en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et je crois que c'est ça en fait qui à la fin m'avait. Enfin, c'était un des trucs qui m'avait vraiment perdu. Je suis en train de me dire, je fais bon, c'est des Ouais, mais du univers coup, en fait, je parallèles, crois. c'est Enfin. un rêve dû à l'alcool. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on voit là, c'est ce qui se passe avant. Je sais C'est pas. un avertissement qu'il a reçu Je des... pense sincèrement que ça se passe avant. Que ça se passe du coup avant qu'il se fasse noyer. Parce qu'effectivement, bon, le bébé est pas très très très très vieux. Mais je comprendrais pas pourquoi, une fois qu'il a été baptisé, il a pas emmené sa fille. Tu vois? Bah après, de toute façon, c'est le bordel. Moi, j'estime pas. Parce que là, tu peux faire une nouvelle théorie. Tu peux te dire que dans ce cas-là, en fait, tout ce qui s'est passé avant, en fait, c'est Elisabeth, avec l'aide des Lutèces, qui lui a envoyé un avertissement. Puisqu'en C'est fait, possible. la raison de tout, c'est quoi? C'est le jeu. Il n'y aurait pas eu le jeu, il n'y aurait pas eu le pacte avec les Lutèces. Non, parce qu'en fait, y aurait pas eu la guerre. Il aurait pas eu la guerre. Il serait pas devenu comme Stock. Parce qu'en fait, c'est à cause de la guerre, justement, la révolte des boxeurs dont on parlait tout à l'heure. C'est là, il a tué plein de monde. Il a tué plein de monde et après, quand la guerre a été finie, et c'est dit dans le jeu, hein, il s'est senti sale, il s'est senti mauvais. Et du coup, il a voulu se faire baptiser pour devenir un homme pur. Et le monde où il n'est pas baptisé, où il reste Booker DeWitt, il reste l'homme sale, l'homme impur, l'homme, tu vois, qui reste dans la Sodome en dessous. Et celui où il a été baptisé, où il devient un homme pur, c'est celui où il fait son ascension, littéralement ascension, au-dessus des hommes, pour devenir le père Comstock. Par contre, je suis désolé, on va pas pouvoir rester plus longtemps. Ça marche. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, il est 19h30. Voilà. Donc, on vous fait des bisous. On Si fait plein vous de avez bisous. des théories, n'hésitez pas à les mettre Bon, soit sur le chat si vous écoutez à la radio, soit sur les commentaires Mixcloud. Je crois qu'il y a des commentaires qui sont disponibles sur Mixcloud. Oui, il Je vais regarder semble. ça immédiatement. Encore une fois, tout BioShock Infinite est dans les vidéos de YouTube. Oui, effectivement, il y a des commentaires Mixcloud. Donc si vous avez une théorie sur Mixcloud, n'hésitez pas à la mettre. Faire partager. À la faire partager exactement. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les gens qui sont sur la radio. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve dès que possible. Voilà. Voilà, vous avez les 15 autres épisodes, peut-être même 16 du coup. Oui, parce que du coup, il y a l'épisode 15 sur Mixcloud. Et là, on est en train d'enregistrer le 17, je crois. Je peux dire des conneries, mais bref. Voilà, on vous fait des bisous. Vous pouvez retrouver tout sur Mixcloud. Et puis, n'hésitez pas à partager ça, à le faire connaître à vos amis et tout. Voilà, on est En sympa, on est cool. parler, en écouter ça en soirée, en musique de fond, ça peut être sympa. Voilà. Plein de On vous fait des bisous. Bye bye les gens. bisous et à la semaine prochaine. Tchuss.